Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le podcast de la nuit, le podcast aussi régulier que les décisions du gouvernement sur la réouverture des salles. Aujourd'hui, on est avec, du coup, comme d'hab, Hugo. Bonjour Hugo. Salut à tous. Et Ulysse, le seul, l'unique. Merci, bonjour. Comme le dirait je sais plus qui, mais c'est un rappeur français, Winter is coming dans ta petite copine. C'est Gringe. Ah. C'est Gringe. Bah, merci. Okay. Donc un épisode un peu ludique aujourd'hui, on va arrêter de parler de 30 milliards de films parce que les émissions de 4 heures, on en a un peu plein le cul. Et notre monteur aussi, salut Hugo. Salut, je vais mourir. Et à la place de parler de 30 milliards de films, on va name drop 30 milliards de films. C'est ça, c'est beau. Et Hugo, pour le montage, tu vas incruster une image de chaque film dont on parle. Ouais, après, enfin, dans la mesure où c'est un film audio, enfin, où c'est justement un fichier audio, c'est compliqué d'incruster une image, tu vois. Je me fous de ta gueule. Alors, du coup... Un PowerPoint PDF à côté. Un PowerPoint PDF avec toutes les images des films dont on parle. Que je mets dans la description. Avec les timecodes. Oh putain, non, mais... Arrête, ne prononce pas ce mot. Ne prononce pas le mot timecode. Ça me donne envie de me tirer une balle, vraiment. Alors du coup, les gars, au programme du jour, on va parler de Mank, de Harpoon, de After Chapitre 2... du spectacle de la maturité de Norman, parce que visiblement, ça s'appelle du cinéma, et de Freaky, le dernier film de Blumhouse. Pardon. On parlera ensuite, enfin, on parlera pas, on jouera, du coup. On va s'amuser un peu à ce podcast. On va avoir un jeu sur les thématiques, on vous expliquera les règles en temps et lieu, un jeu sur les résumés foireux, et enfin, un blind test. Et à la fin, le gagnant repartira avec un DVD de Elmo au pays des grincheux. Yes. Non, c'est la dernière fois. Bonne gag. Mais Roman, toi par contre, est-ce que tu as un DVD à sacrifier pour ce podcast que t'enverras à quelqu'un? Est-ce que j'ai un DVD à sacrifier? Ça peut être jouable. Et ben du coup, ah oui, et on aura aussi une petite session karaoké de notre très cher Ulysse. Parce qu'il n'a vu aucun film dont on parle aujourd'hui, donc il chantera à la fin de l'épisode, et ça c'est beau. Ouais, par contre, les gars, c'est pas juste Roman qui choisit, c'est vous deux qui choisissez. Moi, je veux pas me choper le truc que tu voulais me donner, Roman. Femme Like You de Camaro. Oh non, non, non, non, non, non, non. C'est pas. Je veux entendre une question. Mais c'est pas assez nul. Mais comment ça, c'est pas assez nul? C'est Femme Like You de Camaro. À quel moment c'est pas assez nul? Non, mais Hugo, stop. Aide-moi, Hugo. Donne-moi un truc encore pire que ça, mais pas ça. On verra en temps et en heure. Nous verrons en temps et lieu. Voilà. Jante, là, j'ai du tuning dans les Non, mais pas ça, pas Femme Like You. Ok, et ben on va commencer avec les films d'actu, du coup. Allez, moi je me casse. Du coup, tous les films dont on parle aujourd'hui sont des sorties SVOD parce que les salles sont encore fermées. Et ça nous rend très tristesse. Nous sommes tristesse, les gars. Je veux passer un message à Castex. Alors déjà, j'espère que tu as retrouvé tes lunettes, parce que depuis la dernière fois, je sais pas si vous avez la ref. Voilà. Non. Bref, ok, alors faut que je vous envoie cette vidéo où il cherche ses lunettes alors qu'elles sont littéralement sur son nez. Voilà. Ça, Bref. J'ai pas du tout la ref, mais vas-y. Je vous l'enverrai. En quelle année, vous prenez des mesures cohérentes, c'est-à-dire que on peut aller s'entasser dans des centres commerciaux parce que regarder des images des Galeries Lafayette, là il y a du monde, il y a pas de gestes barrières, il faut limiter le brassage apparemment. Là je peux vous dire que le brassage est bien présent. Par contre, aller dans des salles de cinéma où il y a un protocole qui est respecté, où il y a un siège d'écart, où tout est désinfecté, pardon, où les gens ne se croisent pas, parce que oui, les cinémas ont fait en sorte que les gens ne se croisent pas, c'est pas possible. Donc voilà, c'est incompréhension totale, niquez-vous, voilà, clairement. Moi j'ai un truc à te dire, j'en ai rien à foutre que les cinémas réouvrent, ok? Le seul truc qui me dérange, c'est qu'ils ont pas rouvert ces bars, ces fils de pute. Comment moi je suis censé faire s'ils ferment ces putains de bars? Je peux plus me taper des cuites, je peux plus voir Didier ni Raoul, et ça me déprime. Didier Raoul, tu veux dire? Didier Raoul, c'est ce que j'allais dire. Oui, j'ai pas fait exprès. Et du coup, voilà. Les gars, on va inaugurer un peu la section film d'actu. Donc, on va commencer par le dernier David Fincher, à savoir Mank. Mank, c'est Orson Welles. Of course it is. I think it's time we talk. What is it the writer says? Tell the story you know. Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. Mank. Mank. Mank. Mank. This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank. C'est pas plutôt Mank. Mank, Mank. Mank. Je dirais Mank, moi, personnellement. Je dirais Mank aussi. Dans le film, c'est le diminutif de Mank, Mankiewicz, un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Bah écoutez, je vous laisse parler, les gars. Moi, je vais me branler. Et bah, Hugo commence, vas-y. Alors, Mank, donc, comme tu l'as dit, c'est le dernier film de David Fincher. Donc, ça raconte l'histoire du scénariste, alors, je vais me tromper sur la prononciation, mais c'est pas grave, Herman Mankiewicz, voilà, je sais pas si c'est bien, bref, qui, en gros, ça raconte l'histoire de quand il a écrit le scénario de Citizen Kane d'Orson Welles, voilà. J'ai pas fondamentalement détesté le film, c'est même un très bon film, par contre, il y a vraiment un truc qui m'a dérangé, c'est l'écriture. Alors, il faut savoir que pour l'histoire, ça, les gars, je vous l'avais déjà raconté il y a longtemps, c'est le père de David Fincher, Jack Fincher, qui a écrit le scénario, en 1997. Et du coup il devait le tourner à cette époque-là. Sauf que, et d'ailleurs, je crois qu'au casting, il devait y avoir Jodie Foster et je ne sais plus qui. Voilà, pour l'anecdote. Jodie Foster pour jouer Herman Mankiewicz? Non. Putain, attends, faut que je retrouve mon... Putain, faut que je retrouve... Merde, tu fais chier. Faut que je retrouve l'article. Alors, c'est Kevin Spacey qui devait jouer Mank, voilà. Et avec Jodie Foster, je suppose, dans le rôle de Marion, voilà. Et bref, et du coup, il a tourné Fight Club à la place, et du coup, le scénario a été un peu laissé de côté. Entre-temps, son père est tombé malade, et il est mort en 2003. Et il avait le scénario de son père, voilà, qui était là et tout. Et à chaque fois, il allait voir des boîtes de prod et il lui disait bah non, on ne veut pas produire ça. On se demande pourquoi. Non, mais bref, j'y reviendrai après. Et du coup, bah, le jour où Netflix est venu et lui a dit bah mec, tu fais ce que tu veux, parce que bon, bah, pour Netflix, c'est plus important d'avoir un film réalisé par David Fincher que de savoir de quoi parle le film. Bah, il s'est dit, bon, bah, c'est l'occasion ou jamais, et du coup, il a fait ce film. Voilà. Alors, il y a un truc qui m'a gêné, que oui, je vais caler ce film, mais qu'on retrouve dans Bohemian Rhapsody, c'est que c'est tout le temps la même putain de construction scénaristique. C'est-à-dire que on est dans le présent où Mank est avec, je sais plus son nom, mais bref, une meuf qui s'occupe de lui parce qu'il a eu un accident de la route. Et donc, il écrit son scénario. Après, on a un flashback. On revient en présent, flashback. Que des flashbacks. Alors, comme ça. Hugo ? Oui. Je sais pas si t'es au courant, mais ça, c'est la structure de Citizen Kane. Ben, j'ai pas vu Citizen Kane. Voilà. voilà, donc ça, le. Ok. Ça, donc, Citizen ça Kane, pour ceux qui l'auraient pas vu. Citizen Kane, pour ceux qui l'auraient pas vu, ça raconte l'histoire, du coup, d'un certain Kane, un magnat des médias, un milliardaire qui meurt. Et une bande de journalistes essaye de trouver une explication à ces derniers mots qui sont Rosebud. Et pour ce faire, du coup, ils vont aller interroger plusieurs personnes qui ont connu ce fameux Kane. Et donc, tout le film, c'est juste des flashbacks racontés par les personnes qui ont connu Kane. Ok, mais... C'est pour ça que, ouais. Du coup, c'est pour ça que, du coup, Mank a cette structure. Mais, alors... Bon, je comprends un peu mieux du coup, mais pour moi, ça n'empêche que ça ne convient pas au film. Parce que bah, le film fait quoi ? Fait un peu plus de 2 heures, donc en soi, c'est pas énorme. Beaucoup de films font cette durée. Mais bon, putain, c'est qu'est-ce... À peu près. Qu'est-ce que c'est long ! Le nombre de fois c'est où j'ai regardé. Ah, oh, j'en suis à combien de temps ? Putain, il me reste encore 45 minutes. Non, mais vraiment, c'est. C'est alors... très très long, mec. Oui, c'est vraiment long. Enfin, le film est réussi. C'est voilà. Bon, après David Fincher, bon voilà, on va pas dire que c'est un grand réalisateur parce que tout le monde le sait. Dire que Gary Oldman joue bien, bah oui, bah forcément. Mais honnêtement, il y a vraiment ce problème d'écriture. Pourtant, les dialogues sont pas déconnants. Les dialogues sont plutôt pas mal. Mais je sais pas. Il y a cette construction scénaristique. Je sais pas. Ça m'a sorti du film. Ça rend le film long. C'est pas que le film soit fondamentalement mauvais, je trouve qu'il est même plutôt bon, en fait il est réussi sur quasiment tous les points, je trouve, même visuellement c'est pas dégueu, le film est en noir et blanc, voilà pour ceux ouais, qui non, mais le noir et blanc est plutôt beau, ouais. Ouais, c'est super bien géré, mais il y a ce problème scénaristique qui vient vraiment vraiment bah tout niquer quoi et ça m'a énormément dérangé et je me suis fait chier, d'ailleurs j'ai dû m'y reprendre à deux fois parce que je me suis endormi la première fois quoi, voilà. Ah, moi je l'ai quand même vu d'une traite. un truc qui m'a fait un peu bizarre en regardant Mank, c'est qu'il y avait certains moments, ou plutôt certains personnages, qui me donnaient pas l'impression de voir un film qui se passe dans les années 30, mais de voir un film des années 30. C'est-à-dire que t'avais vraiment des personnages qui parlaient avec des voix de personnages de vieux films d'Universal. Genre, je suis d'accord. And now, Mr. Mank, welcome to the... voilà, c'est ça. C'est... Je suis d'accord. Alors que, pour le coup, t'as les autres personnages qui parlent comme on parle aujourd'hui. Et donc t'as vraiment cette distance qui enlève un peu à la crédibilité du... À la crédibilité, mon articulation est totalement absent, à la crédibilité du film, je trouve. Ouais, après, oui, c'est vrai qu'il y a quand même un bon travail sur la restitution de l'époque, tu vois. Même quand tu filmes et tout, à la fin, tu sais, quand t'as à la fin des séquences, en fait, vous avez les lumières qui s'éteignent et ça enchaîne, ça fait un fond du noir. Et d'ailleurs, je crois que j'avais lu que, enfin, ils avaient vraiment genre éteint les lumières du plateau pour créer cet effet. Donc ça, c'est plutôt stylé. Après, c'est vrai que ça crée parfois un manque de cohérence parce que bon, voilà, comme a dit Roman, les personnages sont tous différents et certains ont l'air actuels et d'autres non. Quelque chose à ajouter sur Mank Pas Ulysse du coup, parce que tu l'as pas vu. Non, franchement, c'est un film. Franchement, c'est un film à Oscar. Voilà, clairement. On sent le truc où je sais pas, on dirait vraiment que tout a été fait pour un Oscar, tout simplement. Bah, pourtant, c'est un film qui a été fait, qui est important pour Fincher, quoi. Oui, oui, bien sûr qu'il a la. Oui. Du coup, comme c'est son père et tout, t'as le côté sentimental derrière. Ouais, et puis Fincher, c'est le dernier des Pignouf. C'est pas le dernier des Pignouf, quoi. Oui, mais c'est clair, mais non, après, je sais pas s'il aurait pas dû retoucher un peu au scénario, quoi. Parce que... je sais pas s'il a vraiment... C'est un autre débat, ça, c'est un autre débat. Oui, après, moi, je te dis ce que j'ai pensé du film. Ça met ma gueule. Non, mais voilà, on peut, voilà. Moi, je te dis ce que j'ai pensé du film, je te dis que je pense que le scénario est un problème. Voilà, c'est tout. Et donc, c'était Mank de David Fincher. Et donc, on va maintenant passer au film Harpoon, une exclusivité Shadows. This is Jonah. This is Jonah's best friend, Richard. And this is Richard's long-term partner, Sasha. And with that, just like they always did, our trio returned to their instinctual roles. Okay, let's make a deal. I grovel and pamper you guys unconditionally, and you just try to remember a time before I went eight. I want a free punch. Yes, deal. Que je suis le seul à avoir vu parce que je suis le seul à faire mes devoirs ici. Alors Harpoon raconte l'histoire de trois amis, donc un mec, fils de millionnaire. Son meilleur ami et sa copine. Sa copine à lui, pas la copine de son meilleur ami. Quoique justement, il va découvrir du coup dans le premier acte que il y a une liaison entre les deux et que ça entraîne de la jalousie. Au début du film, il soupçonne son meilleur ami de le faire cocu. Du coup, il va lui casser sa gueule méchamment. Et pour se faire pardonner, il va du coup emmener sa meuf et son meilleur ami sur une balade en yacht. Sauf que le yacht va tomber en panne au milieu de l'océan et va commencer à dériver. Et au bout de plusieurs jours, les tensions serviront plus à rien parce que le but c'est la survie. Sauf que les secrets vont commencer à se révéler et que ça va faire mal. Ça va faire très mal. Harpoon, c'est... j'en attendais rien, parce que voilà, c'est une exclu Shadows, j'en avais jamais entendu parler avant, et c'était une putain de bonne découverte, c'est un très bon film d'horreur. Mais le c'est... excuse-moi de te couper, mais quand tu dis que t'en attendais rien, à part Mercy Black, qui est une grosse daube, généralement les exclu Shadows sont des films étonnamment de très bonne qualité. C'est souvent des films assez inconnus au bataillon. On avait parlé la dernière fois du coup de Depraved, pour ceux qui ont suivi le dernier podcast. Mais voilà, Depraved aussi, c'était une excellente surprise. Donc, j'ai pas vu Mercy Black, mais niveau Exclu Shadows, j'ai vu du coup Depraved, oui. J'ai vu Harpoon, j'ai vu Starfish, j'ai vu Nightshot, et le premier French Blood aussi. Qui est une pentalogie qui pour l'instant n'est qu'une trilogie. C'est une série de 5 films à sketch et pour l'instant, il n'y en a que 3 de sortie sur Shadows. Et les 3 sont des exclus Shadows. Donc, le premier était vachement inégal quand même. Il m'a vraiment assez peu marqué. Je l'ai pas vu du coup, les Friends Blood, je dois avouer. Mais de toutes les exclus Shadows que j'ai vues, à part Mercy Black, franchement, j'étais agréablement surpris. J'ai toujours pas vu Nightshot, faut vraiment que je le vois. Il est génial, Nightshot. Bref, voilà, je veux pas continuer 10 millions. Voilà, je vais te laisser parler, je suis désolé, Roman. Du coup, vous en avez sûrement pas entendu parler parce que l'industrie cinématographique est une pute. C'est composé de 3 acteurs, vraiment, c'est un casting ridicule. Le réal, ok, il a rien fait. Si, il a été sur le département éditorial de quelques films comme La planète des singes Supremacy, Deadpool 2, mais à part ça, il a rien réalisé de vraiment connu. Il s'appelle Rob Grant, pour ceux qui voudraient savoir. Donc au casting, on a Christopher Grey qui joue donc Richard, le fils de milliardaire. On a Munro Chambers qui joue Jonah, donc son meilleur ami. On a Emily Tira qui joue Sacha, donc la copine de Richard. Les 3 jouent vraiment super bien. C'est le film qui te dit qu'il faut savoir avec qui tu t'embarques dans une amitié ou dans une romance, sinon tout de suite ça fait des dégâts. Et que en cas de situation extrême et de danger de mort, la vie des autres vaut pas grand chose. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Harpoon, en fait, c'est vraiment une très petite prod. C'est beau, c'est très beau visuellement, parce que tout le film se passe dans l'océan, enfin sur l'océan, et rien que pour ça, ça a vraiment de la gueule. Bref, si vous avez Shadows, n'hésitez pas à mater Harpoon, de toute façon, prenez Shadows, c'est trop bien. Et contrairement à Netflix, ils prennent des films qu'ils aiment, et pas des films juste pour remplir leur catalogue. Regardez l'interview aussi de Aurélien, le community manager de Shadows, sur la chaîne d'As l'Épouvantail, c'est très bien. Et bref, du coup, oui, n'hésitez pas à mater Harpoon, parce que Harpoon, ça tue. Harpoon, c'est vraiment bien, et c'est... Il y a des scènes assez dures à regarder, notamment une scène impliquant une mouette, j'en dirai pas plus. Ceux qui ont vu The Lighthouse, vous savez à quoi vous attendre. Donc on va passer à ce chef-d'œuvre ultime du 7e art, qui est After... Chapitre 2. The entire world is a collection of memoranda that she did exist and that I have lost her. This is our story, Tessa's and mine. We're like an addiction to each other with equal parts pleasure and pain. You hurt me and I can't forgive you. Tessa, I want another chance. But I'll try, whatever it takes. J'ai cru que t'avais parlé de Elmo au pays des grincheux. Après tout, vous toujours le placez au moins une fois par épisode. J'allais dire que tu as tenu 20 minutes avant de le placer, mais non, tu l'as placé en début de podcast. Donc non. C'est moi qui l'ai placé en début de podcast en plus. C'est vrai en plus. Oui, bah voilà, il manque plus que moi qui dois le placer, et après le compte est bon. J'aimerais bien parler d'Elmo au pays des grincheux si seulement quelqu'un m'avait envoyé ce putain de DVD. Ah bah promis, quand j'irai à Paris, je te le ferai. Mais pour le coup, moi, je peux en parler parce que je l'ai vu. Et je vous propose d'en parler une fois que vous aurez fini les films d'actu. Allez, on rajoute Elmo au programme. Bon, allez, pour qu'Ulysse parle d'un film, on rajoute Elmo Pays des Grands Cieux au programme des films d'actu. Voilà. Tu vas quand même chanter, Ulysse. Ah, putain. Donc, parlons de ce chef-d'œuvre qui est After Chapitre 2. Donc, After Chapitre 2 raconte l'histoire de Hardin et de Tessa, vu que je l'ai vu en québécois. J'ai vu ce film en québécois parce que c'est la seule VF qui est sortie à l'heure actuelle. Et donc on a l'histoire de Tessa et de Hardin. Après leur pseudo-rupture à la fin du premier opus. Premier opus que j'ai complètement oublié en un an parce que c'est un film, mais d'une oséfrie totale. Et donc on suit la romance compliquée entre Tessa et Hardin. Et aussi le triangle amoureux auquel va s'ajouter Trevor. J'adore les noms prononcés à la québécoise, c'est génial. Oh mon Dieu, comment tu as pu baiser avec Justin? C'est pas possible. Tu peux aller te mettre sur le stationnement, s'il te plaît, là? Faut parquer. Elle tire ta charrette là. Okay. Bon, on va faire des magasinages. Tu vas te mon chum. Je tiens à dire, on a réussi à parler québécois sans placer le mot tabarnak des calices. C'est extrêmement raciste, tous les Québécois ont quitté ce podcast. Voilà, on s'en excuse. Attends, les Québécois et les Portugais sont pas revenus depuis la dernière fois. Ah, mais les Portugais. On n'oublie pas le dernier épisode. J'ai reçu des messages de soutien, vraiment, de gens qui me disaient. Mais s'ils étaient constructifs, ces messages. Un message à tous les Portugais qui écoutent ce podcast. On vous aime, enfin, je vous aime en tout cas. Vous avez réussi à vous épiler les oreilles pour écouter ça ? Vous avez du courage. Vous avez énormément de courage de supporter ces deux cons. Un message à toutes les Portugaises qui écoutent ce podcast. Allez vous épiler. C'était méchant. Comme d'habitude, ce sera laissé au montage pour que les gens voient à quel point tu es honteux, Ulysse. Ouais. Hé hey, t'as pas le droit de dire ça. Je suis honteux, moi aussi. Y'a pas de raison que je le sois pas. Ah oui, oui, oui, non, mais c'était sous-entendu, mais évidemment, mais évidemment. Oui, oui, oui. On était parti de After quand même à la base. On est arrivé sur les Portugais. After, du coup, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est extrêmement mauvais ? Je ne crois pas que j'ai besoin de préciser ça. Mais je vais quand même le préciser. Alors, ça joue comme des énormes quichas tout le long du film, principalement Hardin, qui joue. Qui doit jouer une palette d'émotions variées comme la colère, ou j'ouvre une bouteille de whisky et je la bois, mais je fais une tête comme si je venais de m'enfiler un shot de whisky avant même de boire. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? La scène du « je jette mon téléphone de colère », qui est à mourir de rire. Et bien sûr, les scènes érotiques. Il marche dans la rue alors qu'il pleut et qu'il n'y a pas de capuche, du coup il a de l'eau sur le visage. Non, mais il y a une scène dans la douche. J'accompagne une musique au violon. Et parfois, non, mais... c'est un petit bonus, les pensées du personnage qui dit la scène la moins. Pourquoi Mary m'a fait ça ? Je ne comprends pas. Pourquoi elle a ken avec Trevor ? Et bien sûr, on a la scène de la douche qui est la scène érotique la moins bien branlée de l'histoire des scènes érotiques. En même temps, tu fais pas un film érotique. PG-13, qu'est-ce que c'est que cette idée de merde ? Bah, non, mais sérieusement. Vu les spectateurs de 59 degrés... parce qu'il fallait quand même réussir à placer le titre 59 degrés hein, pendant qu'on parle d'After, sinon... Bah... Donc une fois qu'on a réussi à placer la saga BDSM pour maman, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que ta daronne, une fois qu'elle a vu 59 degrés, elle dit à ton daron « Vas-y, je veux que tu m'attaches au lit et que tu me mettes un chandail dans le cul. » Un chandail ? Un chandail dans le cul. Oh non, mon chandail. Ceux qui ont la ref, vous êtes des génies. J'ai la ref. Évidemment oui. Qu'on a la ref. Le Québec, ouais, vraiment sympa. Tu veux-tu que je ferme ? Pas plus de mails dans l'or. Donc voilà, une fois que les Québécois ont doublement quitté ce podcast, on peut continuer. Donc oui, After, c'est vraiment très mauvais. On a des retournements de situation absolument improbables. Il y a une scène qui m'a fait rire. Je vais spoiler parce que de toute façon tout le monde s'en bat les couilles de ce film. T'as Trevor qui répète le speech qu'il veut faire à Tessa pour lui dire qu'il l'aime, alors que Tessa est partie avec Hardin depuis une vingtaine de minutes et que le mec est tout seul dans les toilettes dans la salle de bain d'une grande villa pour préparer la façon dont il va dire à Tessa qu'il l'aime et tu sais que Tessa est déjà partie depuis très longtemps avec Hardin, et du coup, le voir répéter ça, c'est tellement drôle, mais tellement ridicule, et l'accent québécois joue beaucoup, surtout c'est Trevor. C'est ça, je voulais te dire qu'en fait, eh ben, je t'aime, non merde, c'est un accent congolaise. T'as fait un congolais québécois, comment t'as fait ? Eh ben c'est très simple, quand je fais l'accent québécois, c'est très simple. J'ai cru que t'allais faire un truc à la Yu-Gi-Oh! Et bien en fait, c'est très simple! Yu-Gi-Oh! Et du coup, oui, After chapitre 2, c'était vraiment pérave! Et niveau écriture, on est proche du néant. Niveau mise en scène, il a un trépied, c'est déjà ça. niveau musique, on est sur de la playlist d'adolescente. mais d'adolescente des années 2005 à peu près, vraiment. Et pas grand chose à ajouter. En même temps, est-ce qu'il y a besoin d'ajouter grand chose sur After chapitre 2 ? On a passé beaucoup trop de temps sur ce film, je trouve. Plus que sur Harpoon, mais en même temps, on a dérivé sur les Québécois. Et les, et les Congolais et les Portugais. Ça fait beaucoup. De quoi faire une belle brochette. Bien sûr, on ne cautionne pas le cannibalisme, les enfants, c'est pas bien. Du coup, Hugo, c'est à toi de nous parler du spectacle de la maturité de Norman Tavo. Évidemment. Tu sais, on pense que quand on est en couple, on devient tout d'un coup mature. Mais il n'y a rien de plus immature qu'être en couple. On redevient des gamins. On s'embrouille pour des gamineries. Par exemple, la dernière fois, on était au restaurant. Je commande un dessert, je lui dis t'en veux un, il me dit non. Je lui dis t'es sûr, t'en veux pas ? Non, non. Je vais en commander un, tu manges pas dedans en fait. Elle me dit non, mon dessert arrive, elle me le défonce. Là dans ma tête, j'ai 4 ans, j'ai envie de faire « Madame, elle a mangé dans mon dessert !» Je vais vous parler de ce chef-d'œuvre ultime du stand-up. Là vraiment, il y a eu un niveau d'humour, mais tellement waouh. Alors première chose que je vais dire, Hugo, c'est que... Hugo, tu forces trop sur... je trouve que tu forces un petit peu trop sur l'ironie. Non, ça sent... à peine. Mmh. Par contre, les gars, c'est vraiment pas ironique. J'ai le DVD de Norman sur scène, son premier spectacle. Mais il était pas si mauvais, le premier. J'ai un coûté 2 euros et c'est vrai, qu'il était pas si mauvais, le premier spectacle. Parce que le second, il porte pas bien son nom, quoi. Bon, en même temps, j'ai le DVD de Zapping Amazing 2. Alors, est-ce que je suis bien placé pour parler? Voilà. De toute façon, vous avez le DVD de tout. C'est un, oui. C'est un DVD MOP des grands jeux, quoi. Non, mais bientôt il est un peu à lui. Et j'ai réussi à placer le film. Allez, c'est bon, la boucle est bouclée, on peut arrêter le podcast. Merci de nous avoir suivis, voilà, c'était agréable. Non. Alors, j'ai un DVD tout aussi improbable, étant donné que je possède un DVD du film Jackass. Et bah, moi aussi. C'est quelque chose... Non, mais c'est le bon goût absolu. Ça, c'est. Quand t'invites une fille et qu'elle voit que dans tes étagères t'as l'intégrale de Jackass, c'est même pas on prend un petit verre avant, et même pas les préliminaires, dans cette directe, elle saute dessus, elle fait « Je veux ton chibre !» Évidemment, elle voit grave, parce que voilà. On est passé est-ce de... que tu as, Ulysse, est-ce que tu as la divine édition des 11 commandements, l'édition 3 DVD de 11 commandements de Miguel Youn? Avec la bite? La bite? Ouais, évidemment. Avec un costume. Bah, bien sûr que oui. Évidemment. La Divine Edition, édition 3 DVD, hein, parce que je l'ai, ça. On est quand même passé du spectacle de la maturité. On est passé du spectacle de la maturité à la bite du lycée, je dis ça comme ça. Par contre, est-ce que tu as le DVD de 2001, c'est l'humour, avec Omar Sy? Non, mais j'ai le Blu-ray de 2001, l'Odyssée de l'espace, et j'ai le DVD de 2010, l'année du premier contact. Qui d'autre là dans ce podcast? Moi. Fils de pute. Les gars, vous pouvez pas me battre, j'ai un DVD allemand de Bad Taste de Peter Jackson avec uniquement la piste allemande. Ah et oui. Je parle pas un broc d'allemand. Bah écoute, moi j'ai allemand LV2, du coup je peux te dire son nom, parce que moi non plus je parle pas allemand. Mais tous les allemands LV2 ne parlent pas allemand, ça c'est une généralité en fait. C'est clair. Bref, Norman, alors... du coup, je disais que ce spectacle n'aborde absolument pas bien son nom, parce que quand tu prends de la maturité, ça suppose que tu évolues. Norman, il n'y a rien qui évolue. C'est-à-dire que c'est toujours le même humour depuis qu'on a 10 piges. Sauf que bah, quand on a 10 piges, on est petit, on est con, et du coup, ça nous fait rire. Sauf qu'au bout d'un moment, tu grandis et ça te fait pas rire. Déjà, le spectacle dure 50 minutes. Moi, si je paye pour aller voir un one-man show, surtout au prix où Norman doit faire ses places, parce que je suppose que ça devait être quand même... un peu d'argent, j'arrive, on me dit ça dure 50 minutes, déjà je me sens, voilà, on dirait qu'on se fout de ma gueule, premièrement. Ensuite... Bah, ça fait mal au cul et au portefeuille. C'est ça, exactement. Et alors, il faut savoir que ça dure 50 minutes, mais que je ne suis pas resté jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment une torture. J'ai tenu 35-40 minutes, attention, en 35-40 minutes, je n'ai pas souri, mais pas ri, souri une fois. Par rapport à ce que tu as dit, quand tu dis que Norman n'avait pas pris de maturité, qu'il n'avait pas évolué, et ben, à savoir que ses petites amies non plus n'ont pas évolué depuis qu'il a 16 ans, vu qu'elles sont toujours le même. C'est un grand ami Ulysse. Un grand ami de Roman Polanski, Norman. Bref, déjà sur scène, alors, Enfin, déjà, il est pas drôle. Et en plus, je l'ai trouvé, mais genre, hyper hautain, genre, comment il parle. On aurait dit qu'il était vénère à chaque seconde que... Bref, il n'y a rien qui va dans ce spectacle. C'est pas marrant. Le personnage, je le trouvais pas détestable avant. Là, il est pas détestable, mais enfin, si, en fait, si, clairement. Je le trouve hautain quand il parle. Il est tout le temps vénère. Il fait que de crier, en fait. Pendant tout son stand-up, il crie en croyant qu'il est drôle, mais il n'est pas drôle. Je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi Prime Video a récupéré ça, parce que bah, c'est un YouTuber connu et qu'il fera de l'audience, mais c'est pas à voir. Voilà, clairement, c'est pas à voir. Il y a sur Prime Video, il y a beaucoup de stand-up. Il y a quand même beaucoup de stand-up sur Prime Video. Il y en a de Elie Semoun, il y en a de Max Boublil, il y en a de... Oui, mais non, vous allez sur... T'as un public en fait sur Prime Video qui est là pour les stand-up, généralement le public de manager, etc. Ou le public rire et chanson, quoi. Si, j'ai aussi le DVD du spectacle de Max Boublil. Ah. et j'ai bien. Le DVD du spectacle Plus qu'à poil de Michael Youn, qui est très drôle. Principalement le segment de la pute handicapée, c'est à mourir de rire. Moi, si voilà. Je peux vous conseiller un spectacle, il y a déjà celui d'Amatila, le premier est mieux. Le premier est mieux, que j'aime beaucoup, j'ai vraiment rigolé. Et il y a aussi le premier spectacle de Malik Bentala, qui est dispo sur Netflix, voilà, et qui est super drôle. Et moi, si je peux vous proposer un spectacle, je vous propose les performances de Jean-Louis Coste. Je dirais rien, mais sachez que c'est un artiste expérimental qui a notamment fait des musiques de très très grande qualité. Ça vous fera un peu de culture. Alors, Jean-Louis Coste, il a notamment, dans son album intitulé Un sparadrap sur l'anus, a fait un morceau qui s'appelle La Gaule du matin. Quel est ce mot que tu vas prononcer, Ulysse ? Qui commence par un C. Sparadrap sur l'anus. Non, avant. Qui commence par un C, j'ai cru entendre un mot. La Q quoi ? Jean-Louis Coste. La Q quoi, t'as dit ? Culture, t'as dit ? C'est ça le mot que t'as dit ? Oui. Ah, non, mais je sais pas, c'est... Mais ça n'existe plus, ça, en France. Mais quelle idée ? Mais tu es fou, ça n'existe plus. C'est dans l'essentiel, enfin. Bah oui, c'est connu, ça n'existe plus en France, voilà. Excusez-moi, c'est parti d'un coup. Écoutez ce morceau. Stop, arrête. Et voilà, donc Jean-Louis Coste, un artiste contemporain très très perché, qui fait notamment des performances avec son caca. Je vous conseille de regarder si jamais vous avez aimé Salaud les Sauvages de Sodome. Waouh, la transition. Alors si je peux vous conseiller un spectacle, ou plutôt deux, je vais parler d'un de mes humoristes stand-up préférés. Donc c'est les spectacles Alléluia Bordel et Vent de pièces à Beyrouth de Jérémy Ferrari. J'ai pas vu son troisième spectacle. Ferrari, mais je connais Lolo Ferrari. Certes. Mais targeting public qui était trop jeune pour comprendre cette blague. D'ailleurs, petit fun fact, mais mon DVD de Alléluia Bordel est dédicacé par Jérémy Ferrari. Là, je vous baise de manière distancielle et bah, geste barrière, mais je vous baise quand même. Tu peux me baiser, mais moi j'en ai rien à foutre. Tu connais pas Jérémy Ferrari ? Je connais même pas. T'es sérieux ? Ouais. Hugo, tu connais quand même, rassure-moi. Oui, je connais. Alléluia Bordel est dispo sur YouTube, Ulysse. Oui, d'accord. C'est génial. Oui. Il produit maintenant, non, plusieurs. Et Toradora, c'est disponible sur Netflix, enculé. Et quoi ? Toradora, c'est disponible sur Netflix, enculé. Ouais. Donc, Hugo, as-tu des trucs à ajouter sur le spectacle de la maturité ? Norman a sorti un extrait de 3 minutes sur sa chaîne YouTube. Même ça, ne le regardait pas. Voilà. Je l'ai vu. J'ai perdu du temps. Bah moi j'ai perdu plus de temps, voilà, donc n'allez absolument pas voir cette merde. En plus j'aime bien parce qu'il y a Prime Video qui a fait un tweet en disant « Le meilleur du stand-up est sur Prime Video ». Et c'est en mode « Quoi ?» Le meilleur ? Il y a un truc qui va pas là, un enchaînement dans les mots. Bref, c'est absolument nul à chier, niveau scénographie on est sur bah, zéro, rien, nul, il est devant un fond blanc. Voilà, d'ailleurs, en fait, c'est juste pour faire une vanne. Il faut savoir que son fond blanc, c'est juste pour faire une vanne. C'est juste pour dire j'ai l'impression de présenter une conf Apple. Voilà, c'est tout. C'est juste pour ça. Ça sert juste pour la vanne. Wouhou ! Voilà, c'est vraiment ne regardez pas ça, c'est de la merde. Et finalement, le Covid n'a pas que des aspects négatifs, puisque ce spectacle n'a pas pu se jouer dans plein de villes. Voilà. Ah, yes ! Yes ! Je suppose que c'est à moi de vous parler de Freaky. Honestly, if this was a horror movie. I'd be one of the first ones to get killed. Cue the creepy dude in the mask. Like I said. But actually, it turns out... Where am I? I didn't get killed. Oh my god, why do I sound like that? I woke up in the killer's body. Donc, Freaky. Freaky, c'est la dernière production de chez Blumhouse et réalisée par Christopher Landon, à qui on doit aussi Manuel de survie à l'apocalypse zombie, à qui on doit aussi les deux Happy Birthday. Ne voyez que le premier, le 2 est mauvais. À qui on doit aussi Paranormal Activity The Marked Ones, qui est le meilleur de la saga pour moi. Donc Freaky nous raconte l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Millie et qui, par une au détour d'une nuit, va se faire assassiner ou presque par un tueur en série qui s'appelle Le Boucher, qui est joué par Vince Vaughn. Et en fait, il la poignarde avec une lame aztèque qui va échanger. Le boucher va se réveiller chez Millie, dans le corps de Millie. Le premier qui fait une vanne, il a des applaudissements. Une belle chez Journem, mais... Non, je parlais de se réveiller dans le corps de quelqu'un, plutôt. Mais ouais. C'est Journem. Oui, non, mais je pensais à un aspect plus... Des blagues de charmu. Cul, quoi. Oui, voilà. Your Name. D'ailleurs, ça m'a fait penser à Your Name aussi parce que un des premiers trucs que fait Vince Vaughn quand il se réveille dans, quand il se réveille dans le corps de Millie, c'est se toucher les seins. Voilà. Putain, mais... Ah, c'est drôle, ça dit donc. Franchement, l'humour est poussé à son paroxysme. Bah, c'est marrant dans Your Name. Le mot paroxysme. Hein. Bref, du coup, on va suivre Millie dans le corps de Vince Vaughn qui va essayer de convaincre ses amis et d'autres personnes encore que c'est bien elle qui est dans le corps du boucher, que le boucher est dans son corps. Et que elle doit retrouver la lame qui est au commissariat, donc qui est une pièce à conviction, pour pouvoir rééchanger l'or de corps. Et elle a 24 heures pour faire ça. Sinon, l'échange est permanent. Et j'ai une question. Est-ce que quelqu'un aime Vince Vaughn ici? Je m'en tape un rein avec une branche de céleri. Pourquoi? Pour citer le youtubeur La Séance de Marty, Vince Vaughn, c'est le genre d'acteur qui te dit que si lui il a réussi à YouTube, ton facteur peut le faire. Ce mec, il a joué dans un film que j'aime énormément qui s'appelle The Cell, qui est réalisé par Tarsem Singh. Et si vous aimez Tarsem Singh, bah, il y a son film The Fall qui est sur Shadows. D'ailleurs, vous voyez The Cell, c'est très bien, même si le scénario est nul à chier. Le film a des images magnifiques et des délires surréalistes extrêmement forts et des concepts balèzes. Voilà, et il a aussi joué du coup dans le film Dodgeball. Avec Ben Stiller. Et donc le film, en plus d'être vraiment trash à certains moments, la scène du prof de menuiserie impliquant une scie circulaire, ce qui est magnifique. Il y a des passages vraiment trash, il y a des passages vraiment drôles aussi. Genre du coup, pendant tout le film, Millie, enfin pendant tout le début où elle est encore dans son corps, Millie crush sur un mec de son bahut. Et du coup, le film a fini par l'embrasser. Tout en étant dans le corps du boucher. Donc tu vois une scène où deux mecs s'embrassent, où du coup l'un joue une meuf, enfin bref, c'est n'importe quoi, et t'as la surprise de ce truc, et c'est absolument hilarant cette scène-là. En plus c'est vraiment kitsch, ils sont dans leur voiture, il se passe rien autour, et ça n'a aucun sens, mais c'est génial. Voyez Freaky, il sortira en salle... en janvier ou février. Il va sortir en salle, c'est cool. Normalement, il sort dans les salles françaises, ouais. Ah, c'est chouette. Tu l'as vu comment, toi, du coup? Je ne dirai rien, Adopi m'espionne. Ok, on va rien dire. Mais ça commence par stream et ça finit par complet. Tu vas recevoir une feuille, fais attention. Oh mon dieu. Vraiment pour les plus anciens, là, pour la ref. Clairement, c'est pas accessible à tout le monde. Du coup, c'est une... Freaky, c'est une putain de comédie d'horreur. Je pense que même que je préfère Freaky à Happy Birthday Dead, mais à l'heure actuelle le meilleur film de Christopher Landon, ça restera Manuel de survie à l'apocalypse zombie. Matez ce truc, c'est absolument hilarant, c'est génial. Et j'en ai fini pour Freaky, je pense. Matez-le, c'est très sympa. Voilà. Elmo. C'est mon tour. Oui. Je veux plus de bruit. Parle d'Elmo. Allez, Elmo. Allez. Dites Elmo. Elmo. Elmo. Merci. Elmo. Elmo. Elmo. Allez. Allez. Allez, levez les mains, levez les mains. Et ça fait Zumba, café, café au carnaval. C'est ça. Wake up! Get ready for Elmo's first movie. Wow, what a great blanket. It's Elmo's best buddy in the whole world. Whoa! Elmo's best friend is in trouble. And rescuing him will be the adventure of a lifetime. Elmo doesn't think he's on Sesame Street anymore. Hey Red, you're in Grouchland. Voilà. Alors, du coup, Elmo au pays des Grinches, c'est un film des années 90, 1999 je crois. Je suis pas sûr. Mais c'est un film qui est absolument sublime. sorti en 1999 du coup, qui dure 1h17. Un film donc qui se passe dans l'univers de Sesame Street où on retrouve Elmo qui va lors d'une dispute avec son amie Zoé faire tomber son doudou à l'intérieur de la poubelle d'Oscar. Oscar qui est le gros truc vert dégueulasse qui va dans la poubelle là, dans Sesame Street, ceux qui ont la rêve. Voilà. Oui. Et donc le doudou d'Elmo va se retrouver dans le pays des grincheux, un pays où tout le monde, en fait, c'est des grincheux, et ils font tout le temps la gueule, et ils sont... Voilà, c'est l'inverse, en gros, des gens gentils, c'est les grincheux. Et du coup, en fait, eh bien, Elmo va essayer de trouver son doudou, parce qu'il a été attrapé par le méchant qui s'appelle Huxley, qui est joué par Mandy Patinkin, qui est aussi le mec... Inigo Montoya. Voilà, c'est Inigo de Montoya dans Princess Bride. On a aussi, du coup, dans ce film, on a droit, du coup, à des scènes musicales absolument sublimes, géniales, inimitables, voilà. Évidemment, ça vous rappellera les heures les plus géniales de High School Musical sous crack et avec des instrus pourris et des chanteurs qui savent pas chanter. Bref, High School Musical, quoi. On a du coup également Kevin Clash qui joue Elmo. Me demandez pas qui c'est, parce que le seul personnage que je connais qui le joue, c'est Elmo, voilà. On a pas mal de marionnettistes. Le film est réalisé par Gary Ovelson, qui est un mec qui a aussi réalisé des films incroyables, comme Le Compte à rebours de Christmas de Noël de Elmo, et True West, un film avec Bruce Willis. Ne me demandez pas pourquoi. C'est un film avec des décors assez sympathiques, avec des personnages absolument mémorables, tels que la Reine des Ordures, qui est jouée par Rihanna, ce qui est assez méchant. Enfin, c'est pas Rihanna, mais c'est une meuf qui ressemble à Rihanna, du coup, je vais dire que c'est Rihanna. Le film possède aussi pas mal de caméos très très intéressants, notamment Ernest et Bart, qui sont là pour dire... voilà. Qui sont là pour faire des scènes très très incroyables, telles que « Oh non, Bart, le film me fait peur !» Si ça vous a pas convaincu, sachez que le film dure 1h17, ce qui est, premier degré, son seul point positif. Même Inigo Montoya ne sauve pas le film. Alors, il sauve le film parce que c'est un méchant totalement nanardesque, et en vrai, avec un petit pétard, c'est une œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Non, parce que le moment où t'as du coup Huxley le méchant qui fait une chanson sur le fait qu'il aime bien être par terre avec des Muppets très très mal animés, c'est génial. Bon, du coup, on part sur les affrontements. C'est cool. Quel plaisir. Bah écoute, Roman explique. Bonne chance pour expliquer la thématique. Alors, la thématique, donc on va chacun s'affronter sur des jeux. Et donc le premier jeu, ce sera la thématique, justement. Chacun notre tour, on va donner une thématique dans laquelle on peut englober plusieurs films, et du coup les deux autres vont devoir chacun dire un film qui pourrait s'incruster dans cette thématique, chacun leur tour du coup, et le premier qui n'a plus d'idée perd. Et donc le point va à l'autre. C'était assez clair ? Ouais. Okay. Je tiens à rajouter que bah, si vous regardez Rap Jeu, c'est comme dans Rap Jeu, mais en version cinéma. Voilà. Voilà. Alors du coup, c'est moi qui vais commencer à vous filer une catégorie. Je stresse. Et cette catégorie, ce sera... Vous êtes prêts ? Ah, j'ai peur. Ouais. Film de super-héros avant 2000. Oh, le bâtard ! Ah, la vache ! Film de super-héros avant 2000. Ouais. Ah, le bâtard ! Oh, gros. Enfin, j'ai quasiment rien. Oh, la vache. On va essayer. Moi, je crois que j'en ai un. Tu veux... Vas-y, je commence. Qui commence ? Je veux commencer. Commence, Hugo. Vas-y, commence. Alors, eh ben, on va dire Batman le défi. Oh, pas mal. Du coup, bah, encore une fois, Batman, héros Batman, mais genre le premier Batman avec... Avec Adam West. Très bon choix. J'allais dire Superman, mais il y en a 36 000, mais Superman. Bah après, précise lequel du coup, oui. Superman, oui. Ouais, mais il n'y a pas un Superman qui s'appelle juste Superman. Si, bah le premier Superman. Voilà, le Richard Donner. Superman, voilà, ouais, exactement. Christopher Reeve, ouais. Bah, The Crow. Ah, bâtard. The Crow, ouais. Ouais, bien vu. Bah, Ulysse, je vais utiliser... Oh non, fils de pute. Si, grâce à ce qu'il a dit dans mon Daily Movies. Oh, le bâtard. Je vais dire Cabal. Raté. Ah merde. Ah non. J'ai gagné. C'était Darkman. C'était Darkman. Oui, Dark... Putain, merde, j'ai confondu. Non, Cabal, c'est un... Ah, je sais. Cabal, c'est un film de monstre. Les gars, pourquoi vous avez pas continué sur les autres sagas, genre Superman 2, 3 et 4, bon, Batman et Robin? C'est trop facile. Attends. Pourquoi vous avez pas dit Spawn et Supergirl? Spawn, je l'ai pas vu. Et moi, je parle que des films que j'ai vus. Regardez les vidéos de Monsieur 3D, c'est génial. Bon bah, un point pour Ulysse. Hein. Moi, je sais pas si vous pouvez pas. Je vais me faire niquer, voilà, sur cette épreuve, c'est clair. Mais au moins, c'est amusant, voilà. Enfin, sur toutes les épreuves d'ailleurs. Est-ce qu'on peut considérer Robocop comme un film de super-héros? Ah. Oui, je pense. Ok. Ouais. Non, c'est carrément la structure d'un film de super-héros, moi, je trouve, Robocop. Oui. Non, mais on peut considérer. Même, à la limite, Toxic Avenger de Roger Corman. Non, mais ça, c'est clair que c'est un film de super-héros. C'est hilarant, Toxic Avenger. Regardez Toxic Avenger, c'est génial. Un autre aussi. C'est un film avec ce putain d'acteur, Jeffrey Combs, voilà. Que j'adore. Attends. Ah, il a fait un film de super-héros ? Il a fait un film de... Bah, je t'en avais pas parlé du film qui plagie Docteur Strange. Docteur Mordred, voilà. Docteur Mordred. Ok. Je te conseille de le voir. Docteur Mordred, c'est Docteur Strange, mais Docteur Strange des comics, et c'est un film qui date de 92. Tu sais que j'ai vraiment un seum colossal, parce qu'en plus, je savais qu'il y avait eu des Captain America avant 2000, et j'ai hésité à les sortir. Il y avait même un Captain Fantastic par Roger Corman, il y avait même deux films Spider-Man, je crois. J'ai voulu faire chier Ulysse, et voilà, c'est ce qui s'appelle le karma, les enfants. Eh bah ouais, Cabal, tu m'as pas dit Cabal. Regardez Cabal, c'est trop bien Cabal. Ah merci Roman. Bon, balance. Et mon Blu-ray qui arrive bientôt. Ouais, moi j'ai déjà le Blu-ray. Ouais, je crois qu'il est déjà arrivé, faudra que j'aille chez mes parents du coup. C'est quoi comme édition Blu-ray ? C'est le Blu-ray britannique de chez Arrow. Ah, putain, ouais, cool. Ouais, avec la masse de bonus, mais vraiment la masse. Ah bah c'est pareil, le bonus de l'édition ESC de Cabal, elle est putain de bourrée de bonus. Et puis c'est des putains de bonus en plus. Et comme ton édition du coup, il y a aussi la Director's Cut. Vous avez la ref si je dis que... Director's Cut. Est-ce que vous avez la ref si je dis que ESC va sortir une édition de Possession? C'est pas ESC, c'est le chat qui fume. C'est le chat qui fume. Alors du coup... Dans les bonus du DVD, on a l'entretien avec Julien Cerron, donc autour du film, qui est vachement intéressant, je l'ai vu. L'analyse de séquence par Christophe Folger, que je connais pas. Les scènes coupées du film. Et sur les bonus du Blu-ray, il y a le commentaire audio de Clive Barker et de Mark Alan Miller, donc le producteur. L'entretien avec Bob Keane, et ça vraiment, c'est un truc que je vais voir très prochainement, l'entretien avec Bob Keane, parce que c'est le mec qui a réalisé les effets spéciaux en fait de Cabal, et qui a aussi fait les effets spéciaux du coup de Hellraiser, le premier du nom. Ensuite, du coup, un truc Monster Class et prothèses de monstre. Ensuite, un truc sur les cascadeurs. Ensuite, du coup, on a du coup un truc sur le montage du Director's Cut. On a un truc sur les matte painting, sur les tests de matte painting, sur les essais de maquillage, les répétitions, les scènes de torture et les scènes perdues en stop motion. Tout ça en VOST. T'as pas trop le seum, Roman ? J'aurais que la VO sur moi avec des sous-titres anglais, mais c'est pas grave. Et puis j'ai le DVD aussi. En plus de ça, j'ai le DVD déjà de Cabal. Le DVD français. Je sais pas s'il y a des bonus, j'ai pas vérifié. Mais bon, on verra. Prochaine thématique. Du coup, Ulysse, si tu gagnes cette manche, tu as gagné notre affrontement. Voilà. Alors, j'ai envie qu'il y ait du challenge. Mais là, j'ai des trucs qui vont faire gagner Ulysse, je pense. Ah merde. Surtout, fait gagner Ulysse. Bon, alors, on va pareil partir sur un truc des années 2000. Des bonnes comédies françaises après les années 2000. Ouf. Oh, bien joué. Tu commences, Ulysse. Ce qui n'est pas rare du tout, d'ailleurs. Bon, alors, bonnes comédies françaises après les années 2000. Oulala, bon. vas-y, je vais dire Adieu les cons parce que j'en ai rien à foutre. Ok, moi je vais dire Play. Play, oui, ouais. Très bon Play. Très bon Adieu les cons aussi. Ouais. Putain, je suis pas extrêmement calé en cinéma français, faut que je réfléchisse. Il m'a fait une passe des romans, là, vraiment. Je vais sur le bout de la langue, là. 10, 9. Non. Au revoir là-haut. Ok. Il va nous faire c'est pas. Les... Le film c'est un peu une comédie, ouais. Si, c'est une comédie, on va là-haut. Ok. Hugo, à toi Je vais dire Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos, même si c'est aussi un film romantique, c'est aussi une comédie. Voilà. Fils de pute. Oui. La Belle Époque. Nous trois au rire, de Cairon. Mauvaises herbes de Cairon. Mais bâtard. Non, mais j'ai aucune idée, moi. Hugo, le troisième. De Cairon, le troisième de Cairon. Non, on a dit pas de comédie, les gars. C'est une comédie. C'est une comédie pas drôle, c'est comme un film d'horreur qui fait vapeur. Vas-y, dis-le. Bah, Brutus versus César, si vous voulez. Non, c'est pas une bonne comédie. Oui, désolé. C'est pas une bonne comédie. Ok, bah le prénom. Non, c'est pas une bonne comédie, c'est pas une bonne comédie. Le prénom. C'est excellent le prénom, c'est une tuerie. Ah putain. Je commence à devoir me creuser la tête, tu vois, pour vraiment trouver. Bah moi, je me creuse la tête depuis le début, en fait. Ok, j'en ai une en rab. Oh putain, laissez passer de ce réalisateur français que j'aime extrêmement. Attends, juste, je vais chercher le nom. Il a aussi réalisé Dans la brume électrique, mais c'est pas un film français. Il a aussi fait L'horloger de Saint-Paul. Bertrand Tavernier. Laissez passer de Bertrand Tavernier. Ok, moi, je pars sur de la facilité. Je vais dire OSS 117, le carnet d'espions. Ah, le fils de pute. Il vient sur une perche, là, quand même, Ulysse. Ouais, oui, grave. 117-2, Rio ne répond plus. Oui. C'est original, hein, mais bon. Les garçons et Guillaume à table. Ah. Le monde est à toi, de Gervas. Irréversible. Gavras. Non, ça marche pas. Gavras. Non, ça marche pas. Irréversible. Tu te tapes une barre devant Irréversible, toi. Tu as la scène de viol et t'as mourir de rire. Mission Cléopâtre. Oh le. Ouais. Mais merci. Non, ça fait longtemps que j'attends celui-là. Oh bah on est obligé. Oh là là là là là. Les Tuches. Je suis désolé, c'est un plaisir coupable, mais je trouve ce film trop drôle. Le premier. Ouais, le premier. Le premier, ouais, je te l'accorde. Yes, merci. Je te l'accorde, ouais. J'ai vu aucun Tuche. Ça se dégrade au fur et à mesure. Voilà. Est-ce que. Je sais pas si on peut considérer 8 femmes de François Ozon comme une comédie. Oh, si, quand même. Eh bah, 8 femmes. Ah, voilà, ok. Ah, je commence vraiment à galérer un peu. Ah là là là là là là, je suis pas, je m'y connais moins en cinéma français que Hugo. Ouais. Bon, tu peux lancer le compte à rebours, là, je suis dans la merde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. J'en avais un. Ah bah fier. Bon, vas-y, dis-le, dis-le. Je suis plus sûr du mot, mais je vais donner un film de Clapiche. L'auberge espagnole. Non, pas l'auberge espagnole, c'est les années 90. Ça. Bah oui, il est pas sorti après 2000. Non, il est sorti en 2002, l'auberge espagnole. Ah oui. Ah ouais. Bah, je voulais dire. Attends. C'est pas. Je cherche le nom. Une des suites. Attends. Castel chinois. Non. Celui qui est sorti entre les deux, c'est quoi? Peut-être. Il est sorti en 1999. Oh, fais chier. Ah, ça marche pas. Allez, un an près. Hugo, t'as pas cité Comment c'est loin? Putain, j'avoue. J'avoue, mais surtout, t'as pas cité La Cage Dorée que tu m'as. Que tu mais en fait, j'ai pas cité La Cage Dorée parce que je sais que toi, t'as pas trouvé ça ouf et du coup, je me suis dit que t'allais pas le valider. Mais je l'avais en tête. Voilà. Mais. Je l'aurais validé. Ok, bon, bah. De toute façon, j'allais forcément le citer si Ulysse continuait, tu vois. Ok. Donc, égalité. Un partout. La prochaine. C'est qui gagne, mon a gagné, petit. Quoi. La prochaine, c'est mon petit plaisir. Allez, ah, j'hésite entre deux. J'hésite entre deux. Film. Alors, on va partir sur de l'horreur pour la prochaine. Ah yes. Ah non. Mais j'hésite entre film d'horreur français et saga d'horreur d'au moins trois films. Ah oh, la vache. Non, vas-y, saga d'horreur. Non. Ah oh, je sais pas. Non. Ah je sais pas. Choisis-toi. Moi, je te dis, on n'a pas à t'influencer, c'est ton choix, voilà. Moi, je ne dis rien. C'est toi qui choisis. Attendez, je reviens, je vais chercher une pièce et je tire à pile ou face. Ok. Je reviens. Alors, si c'est saga d'horreur, je vais te plier. Sachant que je perds dans tous les cas. Ah ouais. Dans tous les cas, je perds. C'est sûr. Film français, non. Bah, tu connais les bases. Vous êtes toujours là? Ouais. Ok. Donc, pile, c'est les sagas, face, c'est. J'espère que c'est pile. Film d'horreur français. J'ai plus de chances de m'en sortir sur pile. Pile. Ok, les sagas. Laisse pas commencer, s'il te plaît. Donc, saga de films d'horreur, de moins 3 films. Ulysse a commencé à ça d'abord, donc Hugo, tu commences. Je vais dire Halloween. Moi, je vais dire Démon. Oui. Insidious. Oui. Hellraiser. Oui. D'ailleurs, dommage, mais oui. Paranormal Activity. Ah, bien, oui. Ouais. So. Oui. D'ailleurs, les gars, essayez de dire le nombre de films qu'il y a dans les sagas aussi. Oh là, flemme. Ah non, t'en es là, quoi. Juste pour le bonus, ça compte pas. Essayez juste de dire le nombre de films qu'il y a dans les sagas, du coup. C'est lequel que t'as dit en premier, Hugo? J'ai dit. Putain, t'as dit Halloween. Halloween, oui. Ok. Halloween, il y en a 11. Vas-y, à toi, Hugo. Je vais dire Rec parce que je crois qu'il y en a 3. Il y en a 4. Bon, il y en a au moins 3. 13. Ça passe. Ouais, ça passe. Vendredi 13. Vendredi 13, il y en a 12, ouais. American Nightmare, ça passe. American Nightmare dans les 4, ça passe, ouais. Ouais. Les Griffes de la Nuit. Les Griffes de la Nuit, si on compte le remake et Freddy contre Jason, ça fait 9. Ah oh, la vache. Alors, genre que je réfléchisse. Ah, pense aux figures iconiques. Scream. Du Scream, il y en a 4, ouais, c'est bon. Bientôt 5, d'ailleurs. La Vomit Gore Trilogy. Il y en a 4. Ah la vache. Putain. Scary Movie, ça compte. Scary Movie, ça compte. Merci. Il y en a 5. Oh, ouais. C'est comédie... Merci. C'est la comédie d'horreur, ça compte. Bon, bah, Massacre au camp d'été. Putain, je l'avais. J'étais pas Massacre sûr, mais je l'avais. Il y en a avec les non officiels, genre avec Came Blood, il y en a au moins 3. Et si on compte Came Blood, ça fait 4. Mais il y en a un autre en plus, je crois qu'il y en a un cinquième chelou. Oui, il y en a 5. Ouais. Bah, on va. Ok, t'as dit été, je suis pas sûr, vraiment, je suis sûr de rien. Mais souviens-toi l'été dernier, je suis pas sûr qu'il y en a. Il y en a 3. Il y en a 3, c'est bon. Putain, yes. Destination finale. Il y en a 5. Ah oui, joli. Conjuring. Dans la même veine. peu que ça, un peu néo-slasher, où y a, vous savez quoi ? Conjuring, ouais, vas-y, on va mettre Annabelle et tout là-dedans. Le Conjuring Universe, ouais, il y en a 7, si je ne m'abuse. Et puis, si tu prends que les Conjuring, le 3 arrive. Donc, techniquement, ça. Oui, mais le Conjuring, c'est une saga, il y en a 7, du coup, il y a les 2 Conjuring, les 3 Annabelle, la Nonne et la Yorona. Alors, la trilogie des Portes de l'Enfer de Lucio Fulci, il y en a 3. Avec l'au-delà, Frayeur et l'Enfer des Zombies ? Non, pas l'Enfer des Zombies. Enfin, si, l'Enfer des Zombies en fait partie techniquement, mais dans la trilogie des Portes de l'Enfer, c'est surtout la maison près du cimetière, Frayeur et l'au-delà. Ok. Je vais dire Chucky parce qu'il doit y en avoir plus que 3. Chucky, oui, on est à 8. Ça passe. Ouais, bah Chucky, j'avais pensé. Du coup, Puppet Master. Puppet Master, il y en a 10 ou 11, je crois. Et c'est là où je suis Keblo. C'est là où je suis Keblo. Va falloir que je me creuse la tête, mais. Mais pense aux grandes figures du film d'horreur, vraiment. Ah ouais. Moi, j'en ai une là. Grande figure du film d'horreur, alors. Des grands personnages connus de films d'horreur. Non, j'allais dire un truc, mais non, il n'y en a que 2, ça marche pas. T'allais dire quoi ? J'allais dire les robes zombies, là, genre The Devil Rejects et tout, mais il n'y en a que... Enfin, bah, il y en a 3. Ah, il ouais, y en a 3. Oui, il y en a un troisième qui est sorti il y a pas longtemps. Depuis 2019, il y en a un troisième, ouais. Ok, bah yes. Ouais, il y a la maison de 1000 morts, Devil's Reject et Three from Hell. Ok, je prends un truc. Ok, bah maintenant, je vais te dire celui que tu aurais dû dire depuis le début, Massacre à la tronçonneuse. Ah oui, merde! Si on compte les nouveaux remakes et le préquel, il y en a 8, si je ne me trompe pas. Il y a les 4 premiers, il y a la nouvelle trilogie et il y a Leatherface. L'exorciste, il devait en avoir plus que 3, non? De quoi? L'exorciste. Il y en a officiellement 4, officieusement 5. C'est vrai. Du coup, Pumpkinhead, je pense qu'il y en a plus de 3. Ça mérite vérification. Ouais, il y en a 4. Yes. Oh putain. Du coup, vas-y, go. Ouais, bah, faut que je réfléchisse, quoi, parce que... si je prends un univers et pas un... Bah oui, ça marche, parce que... Les monstres, l'univers des monstres, les Frankenstein, tous les machins. Universal Monster, ça marche pas, non. Merde. Non, à la limite, on peut prendre les Abbott and Costello, Myth, Frankenstein, Dracula. Non, mais lui, donne pas idée. Ouais, mais par contre, il y a une saga Frankenstein. Hannibal, oui, Hannibal, ouais, Hannibal, ça passe. Ok. T'as dit quoi, Ulysse ? Critters, ouais. T'as dit qu'il y avait combien d'Hannibal, Ulysse ? J'ai pas 5. Non, mais j'ai pensé aux 3 de base, c'est-à-dire. Le premier, le Silence des Agneaux, puis Dragon Rouge, et le troisième. Bah, oui, mais après, Dragon Rouge, c'est un remake de Sixième Sens de Michael Mann. Mm. Donc techniquement, on peut le compter. Et il y a le préquel aussi, Hannibal Rising. Ouais. Ça, oui. Il y a le téléfilm, il y a les deux récents. Là. On compte les téléfilms. Ouais, ah, vu qu'on compte les remakes, en vrai, on peut compter ça, ouais. Bah vas-y, go des tours mortels, alors. Des tours mortels, il y en a 6, c'est bon. Il faut que ce soit tous de l'horreur, ou... Oui, t'es de l'horreur. T'allais dire Cornetto, c'est ça ? Oui, je vais dire Cornetto. Ah, mais ça fait peur, Hot Fuzz. Non. À cab, hein. Alors là, j'ai jamais été aussi peu serein en disant, mais... Ah putain, je vais dire Gremlins. Non. Gremlins, il y en a 2. Non, yes. Putain. J'en avais encore 2, moi, sinon que j'avais noté, là, parce que j'avais en tête. J'avais encore Candyman avec 3 films. Oui, putain. Et ouais. Children of the Corn, j'espère combien il y a de films. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir autant. Je suis fier de moi, quand même. Il y avait Psychose. Les gars, Psychose, il y en a 4. Oui, putain, ouais. Ouais. Psychose, il y en a 4. Alien, il y en a 8. Oh la vache! Il y en a 8 des Aliens. Frankenstein, il y en a 5. Des Dracula, il y en a toute une flopée. Mais si on reste chez Universal, il y en a facile 5 ou 6. J'ai bien tenu. Carrie, il y en a 3 ou 4. Ouais, Carrie, oui, putain, oui, aussi ça passe. Carrie au bal du diable. Ouais, il y a Carrie 2 là. Carrie 2 la haine, il y a Carrie la vengeance avec le Emorex. Je suis quand même fier de moi. Carrie 2 la haine. Carrie 2 la haine de Kassovitz. Carrie 3 la vengeance. Il y avait les The Grudge et les G1, enfin et les Ring aussi. Il y en a plein. Oui, putain, Ringu, c'est vrai. Putain, oh là là. Mais même, ouais. Même la trilogie Ring US. Arrête, hein. arrête. Les gars, non, mais arrête. Dead. Arrête. Evil Dead, les gars. Evil Dead, merde, ouais. J'étais content de moi. Je me dis, putain, j'ai bien tenu. Mais là, t'es en train de me dégoûter. Dead, en fait, je pense que je l'aurais eu, Evil Dead, avec le temps. Si ça avait continué, j'aurais eu Evil Dead. La des yeux, si on compte les originaux et les remakes, ça fait 4. Les deux trilogies Of the Dead de Romero. Donc la première avec La Nuit des Morts Vivants, Zombie, Le Jour des Morts Vivants, et la deuxième avec Land of the Dead, Survival of the Dead, Diary of the Dead. La trilogie French Blood, on en a parlé tout à l'heure. Et Cloverfield aussi. Cloverfield aussi, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Bon, on va... Le meilleur, c'est le 2. Arrête, on va passer. It. Arrêtez de me dégoûter. On passe. Bon allez, maintenant c'est à votre tour de vous affronter, c'est moi qui donne les thématiques. J'ai battu. Oui, Ulysse, il a un point. Donc là, Ulysse, si tu bats Roman, tu as gagné l'épreuve globale des thématiques. Alors, on va rester dans le domaine horrifique, puisque thématique film Blumhouse. Voilà. Oh. Production Blumhouse, je précise quand même. Ok. Oh, merde. Production Blumhouse. Je vais me faire casser le cul. Moi, je commence avec le plus évident. Paranormal Activity. Yes. Est-ce qu'on compte les suites? C'est ça. Est-ce que Paranormal Activity s'englobe tout ou est-ce que... Bah ça englobe tout, après sinon c'est trop facile. Ouais, je suis d'accord. Ok, donc plus droit au Paranormal Activity. Black Landsman. Ok, oh. Ça passe. J'avais oublié que c'est une... Bah du coup, Get Out. Ok. Whiplash. Ouais. Yes. Us, oui, exact. Oui. Okay. Je commence par dégager les plus évidents. Attends, t'as dit Us. Us, ouais. Us, c'est Blumhouse, ouais. Ah bah, Antebellum. Selon Wikipédia, c'est pas Blumhouse. Si, c'est Blumhouse. Si, c'est Blumhouse. Attends, c'est Blumhouse. C'est ça, mais ça me paraît chelou. Je crois que c'est coproduit, c'est pour ça qu'il le met pas. Mais ouais, si mais c'est coproduit, ça marche. Antebellum. Ok, bah du coup. Blumhouse, Antebellum. Oui, ouais. Antebellum, c'est Blumhouse. Produit Blumhouse. Oui. Oui, c'est produit. Black Box. Freaky. Ouais, oui, bah oui. Ah ouais. Bah du coup, Happy Birthday. Oui. Ouais. Sinister. Oui. Oh, très bien. Bah du coup, le film dont j'ai parlé la dernière fois avec le viol avec la pianiste là. Ah. Ah ouais. Bah oui, les mais prods... Nocturne. Ouais, les prods Amazon Prime, ça peut vous aider, ouais. Ouais. The Hunt. Oh ouais, bien vu. Mercy Black. Nightmare Island. Ouais, exact. C'est vrai que ce film existe. T'as chance, passe là. moi, ça va. Bah, je sais que je l'aurais pas, parce que Roman connaît beaucoup plus de films Black que moi, mais... Là, je réfléchis à qu'est-ce qu'ils ont pu. Là, j'avoue que je suis un peu en vide, j'ai plus de film en tête. Ouais, j'en ai deux encore là en stock. Ah merde. Ouais. Il y en a quand même assez évident. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Ah, il y en a plein que j'aurais pas, je pense. Ah. Blum. Ouais, bah vas-y, c'est bon, je laisse tomber. Attends, décompte, non mais décompte quand même. On va faire ça dans les règles. C'est toi qui décompte, c'est toi qui oui. Présente. 10, 9, 8, 7, 6, 6. 5. De quoi ? Saucisse ! Non mais saut, c'est pas Blumhouse. Bah non. Mais il a dit 6, du coup j'ai dit saucisse. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. 0 ! 0. Ouais, voilà. J'avais Action ou Vérité, j'avais Ma aussi. Ma, exact. Qui est très sous-estimé, je trouve. Y'a pas Ouija aussi. Je me souviens. Y'a Ouija. Ouija, oui, putain, Ouija, c'est excellent. Ouija, les origines, c'est très bon. Il y a du même réalisateur, il y a Sans un bruit. Ou pas un bruit, non, c'est pas un bruit, je crois, le titre en VF. Countdown. Un bruit. Countdown, je crois que c'est eux aussi, ouais. Countdown, non. Countdown, c'est pas Blumhouse. Je crois pas. En tout cas, c'est distribué par Metro, donc je pense qu'ils doivent produire aussi. Ah putain, en Blumhouse récent, il y a, je crois que c'est Escape Game. Ah oui, oui aussi. Je suis pas sûr que ce soit eux. Si, si, je pense que c'est eux. Il y avait, il y avait le remake d'Halloween, les gars. Ah, putain, c'est vrai. C'est pas un remake, c'est une suite. Oui, oui, j'avais c'est la suite. J'avais envie de faire le troll en disant Blair Witch à la fin, mais je l'ai pas fait. Il y avait, il y avait le remake de. Ceux qui ont la rêve, vous êtes forts. Oui, la rêve, vous êtes très forts. Oui, oui, oui. Il y avait le remake de Martyr aussi qui passait. Ah oui, c'est vrai. T'as vu ce qu'a dit Pascal Laugier sur ça? Sur le remake de Martyr? Ouais, globalement, qu'en gros, il n'avait pas été prévenu et qu'il avait découvert ça, genre, en mode, ah tiens, j'ai fait un remake. Est-ce que t'as vu comment il a qualifié le film? Je sais, il a dit, j'ai arrêté le film au bout d'une demi-heure, j'avais l'impression de voir un film où on violait ma mère. Oui, putain, oui, c'est vrai, je sais plus où je l'ai vu, mais j'ai vu. Bah, dans le documentaire de The Panda sur le cinéma de genre. Oui, c'est ça, exact. C'est voilà. Ça. Oui, vraiment, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. C'est triste, mais ça me fait rire. Alors, par contre, je suis en train de... Non, c'est Countdown. J'allais dire, je suis en train de checker Arbitrage Vidéo pour Antebellum, mais non, Antebellum, c'était bon. Countdown, y a pas Blumhouse. Non. Voilà. Y a Jason Blum ou pas? J'ai pas vu. Mais j'ai dit Blumhouse. J'ai pas dit Jason Blum. Mais Jason Blum, c'est pareil. C'est sa boîte. C'est la boîte de Jason Blum. Donc, deuxième thématique. On va partir pour que ce soit quand même assez large et que Ulysse ait quand même une chance de revenir. Film adapté de livre. Oh, je vais te défoncer, Roman. Ou peut-être pas. Il faut savoir qu'ils vont, sortir des rêves que moi-même je n'aurais pas. Donc, ok, voilà. C'est parti. Okay, Roman, du coup, je commence. Ouais. La planète des singes. Akira. Okay. L'exorciste. Lolita. Psychose. Shining. Ok. Eyes Wide Shut. Ah, il cite les Kubrick, ce fils de pute. C'est moi qui devais faire ça, Orange Mécanique. J'ai le coffret Blu-ray sous les yeux, je te rappelle, il est juste devant moi. Oh putain. C'est dans The Corn, on va partir sur le Stephen King. Hellraiser. Et bah, Creepshow. Candyman. La plupart, je vous fais confiance, les gars. La plupart, j'en sais pas. Au pire, on dit c'est Carrie. Qui l'auteur du livre, si jamais on doute. Ok, Carrie, bah, de Stephen King. De Stephen coup. King, ouais. Il va Cujo de Stephen King, du coup, aussi. Putain, mais tout. Ouais. Misery de Stephen King. Oh, mais arrêtez de citer du Stephen King, vous faites chier. Ça, de Stephen King. Je suis dans ma zone de confort. La ligne verte de Stephen King. Oh, mais c'est pas possible, les évadés de Stephen King. Il y en a un évident. Stand By Me de Stephen King. Il y en a un évident que vous avez pas cité, les gars. The Thing, adapté du livre. De John W. Campbell, c'est vrai. The Thing de John W. Campbell. Non, tu peux pas perdre maintenant, Roman. Non. Germinal. Oui. Oh. Juste. Il va citer les. Bah, du coup, Dead Zone de Stephen King. Orgueil et préjugés. Stephen King. Non, le mec a regardé la bibliothèque de sa mère, il dit qu'est-ce qu'il y a comme film qui a été réalisé en film. Enfin, Gamble qui a été fait. Gros, il y en a un massif. Je suis dans mon appart d'étudiant à Melun, ce que j'ai devant moi, c'est des pop et des Blu-ray. Qu'est-ce que tu veux que je foute d'une bibliothèque? Ok. Bah, Cabal de Clive Barker. Le Décaméron de Bocas qui a été adapté par Pasolini. Espèce d'enculé, je voulais citer du Pasolini. Bah tu peux, hein. Bah du coup, ouais. Bah du coup, le livre de la jungle, adapté du livre de la jungle. C'est vrai. Frankenstein, adapté Frankenstein, de Marie Shelley. Du coup, Lords of Illusions de Clive Barker, adapté par Clive Barker. Dracula, adapté de Bram Stoker. Ah ouais, joli. Battle Royale, adapté d'un livre japonais qui s'appelle Battle Royale, avec l'accent. Le fantôme de l'opéra, adapté de Gaston Leroux. Ah oui, c'est vrai. Le mec, il a même cité le nom de l'auteur. Bah du coup, Docteur Folamour, adapté de je sais pas qui, mais je sais que Kubrick a bossé avec l'auteur du livre. Ah oui, c'est le livre s'appelle Red Alert. Est-ce que quand on compte adaptation de livre, on compte adaptation de comics? Non. Non. Ok, dommage. Pas comment je n'ai pas pensé comme ça, non. Mais les gars, il en manque des évidents, genre. Mais oui, mais évidemment qu'il manque des évidents, mais on n'a pas peut-être les mêmes trucs. iRobot. Adapté de Les Robots d'Isaac Asimov. Midnight Midtrain. Adapté de Midnight Midtrain. De Clive Barker. Okay. Oui, je cite tous les Clive Barker parce que c'est mon bébé. Blade Runner. Adapté de Philip K. Dick. Adapté de pourquoi est-ce que les moutons non les androïdes rêvent de moutons machin truc, je sais pas, le titre est est particulier. Ah oui, bah du coup Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, adapté de je sais plus quoi. Ah putain, je l'avais juste avant. Total Recall. Ah, adapté oui. De Mémoire Programmée de, je crois que c'est K. Dick toujours. Oui, Kadik, toujours Kadik, encore Kadik. Du coup, Reanimator de Brian Usna, de adapté Pierre de Lovecraft. Adapté de Lovecraft. Harry Potter. Bah oui, merci. J'y aurais pas pensé, je dois te l'avouer. C'était trop évident, c'était le truc trop évident auquel j'y ai pas pensé. Bah du coup, le Seigneur des Anneaux. Bah, oui. J'ai le coffret Blu-ray sous les yeux, vraiment, du Seigneur des Anneaux, là, juste devant moi. Labyrinthe. Oui. Lequel? Ah oui, Maze Runner, ok. Bah Maze du coup, Runner, oui. Oui. Divergente. Oui. Ok, bah du coup, le Hobbit. Oui. Percy Jackson. Oui. Bien vu. Bah du coup, la stratégie Ender. Peut-être. Oui, c'est un livre qu'on a même étudié en anglais. Ok. Eragon. Ah, ce film de merde. Ah, ce oui. Film de merde. Perfect Blue de Satoshi Kon. Oliver Twist. Oh, bien vu. From Beyond. Adapté de Lovecraft, toujours. Oui, toujours. Est-ce que juste... Attends, vas-y. Attends. Faut que je trouve, du coup. Christine, de Carpenter, adapté de Stephen King. Stephen King, il vous en manque un, Obvious. Bah, Obvious, il en a fait plein aussi. Dreamcatcher. Non, mais mec, c'était à mon tour. Bon, tu m'as pensé pas. Ah, c'est à toi. Bah, parce que t'as dit Christine, ça comptait pas, donc... Ouais, mais oui, t'as dit Christine. Ça comptait pas, donc je dis Dreamcatcher. Ok, bah Dreamcatcher. Du coup, Colors Out from Space. Lovecraft. Colors Out of Space. Ouais, Colors Out of Space. Ok, de Lovecraft, toujours. Dolores okay. Claiborne, toujours de Stephen King. Ok, Appel de Cthulhu, on se demande de qui. Cat's Eye, toujours de Stephen King. Ah ouais. J'aime pas Stephen King. Je le répète, mais j'aime pas. Ouais, mais là, j'ai deux coffrets Stephen King DVD sous les yeux, donc. Running Man, adapté de Richard Bachman, aka Stephen King. Dis quoi? Running Man. Ouais. Cimetière. Oh putain, oui, Cimetière. Merci, voilà, c'était lui que j'avais en tête depuis le début. Ok. Cimetière. Ouais. Ah, Cimetière, c'est cool, Cimetière, ça. Il y en a un, genre. Je dis rien. Ok, je dis rien, c'est bon, je ferme ma gueule. Mais il y en a plein, il y en a vraiment. En termes de culte, tu vois, genre vraiment, t'en as énormément. Ah putain, je crois que j'en ai un, mais non, c'est pas ça, je vais raconter une. Oh, je vais raconter une grosse connerie. Je vais pas le faire. je vais le dire, mais j'ai failli dire La Mouche de Cronenberg alors que c'est faux. Par contre, il y a un autre Cronenberg. Mais tu l'as déjà dit peut-être, je crois. T'as dit Dead Zone déjà? Dead Zone, j'ai dit, ouais. Je okay. Dis. La Route, avec le film avec... Viggo Mortensen. Oui, voilà, ouais. La Route, avec Viggo Mortensen. Ok, Peur Bleue, de Stephen King. Enfin, ouais, adapté de Stephen King, du coup. Ouais. On avait dit pas les comics, du coup, ça marche pas. C'était pas un roman à la base, OSS 117? Non, c'est une vieille série. Ouais. Ah, oui, okay. Oui. Peut-être des bouquins, remarque. Oui, il y a des bouquins, mais on va dire que c'est une série à la base, du coup, ça compte pas. Mais qu'il y en a plein. Genre, pense mais oui, plein, évidemment ouais. Qu'il y en a pense plein. Du culte. Pense à vraiment des films cultes, il y en a énormément. Des films cultes, là. C'est juste que je suis en train de voir sur des des trucs un peu plus techniques parce que je suis une merde. Du coup, non, ça marche pas. Putain, mais en fait, j'ai dit, là dans ma tête, ça se mélange parce qu'il y a trop de trucs. Il y a même des films adaptés d'autres films, comme par exemple L'Armée des 12 singes qui est adapté de La Jetée. De La Jetée de Chris Marker. Yes. Bien joué, BG. Merci. Est-ce que du coup, on peut dire que Salo, c'est une adaptation du Marquis de Sade? On peut, ouais. Ok, bah Salo. Bah, tu m'insultes pas déjà. Elle était bien, elle était très bien. Dune de David Lynch. Oh oui. Putain, oui, celle-là elle est belle, celle-là elle est belle. Très belle. Peter Pan. Miss Peregrine, si tu veux rester chez Burton. Oh bien joué. Cendrillon. Artemis Fowl. Joli. Juste. La Belle au Bois Dormant. La Belle et la Bête. Je dis Blanche-Neige. Non mais. Disney classique, bonjour. On va rester sur combien de Disney là? Je sais pas, il y en a une centaine dans le catalogue. L'homme invisible. Putain, oui. L'abomination de Dunwich. Bah, si je veux rester chez H.G. Wells, La Machine à explorer le temps. Oh, intéressant. La montagne sacrée. L'île du docteur Moreau. Ah, oh. Putain, mec, c'est le vieux classique de la littérature, là. J'ai créé des monstres. T'aurais peut-être pas dû, Hugo. T'aurais pas dû. C'est vraiment trop large, en plus, comme thématique. Oui. Beaucoup trop large, il y a trop de films, mec. Shutter Island. Fahrenheit 451. Oh, putain, fils de pute. Nadia, le secret de l'eau bleue. Inspiré d'une verne. Ok, et eh ben si on reste chez Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Le film récent? Avec. Ouais. Non, The Rock, c'est dans le 2. Ah ouais, c'est vrai. Mais je le garde pour un autre, du coup, parce qu'il s'est adapté d'un autre bouquin de Jules Verne. Sérieux? Ah oui. C'est adapté l'île mystérieuse. Bah, oui, bah du coup, bah, je te nique, moi je dis Voyage au centre de la Terre 2. Ok, Le Tour du Monde en 80 jours. Ah, j'adore. Est-ce qu'on en parle du caméo de Schwarzenegger dans le film? Moi je parlais du livre en fait. Ah non, moi je te parle du film et du caméo de Schwarzenegger qui est absolument génial. Si jamais, à partir de maintenant, donc c'est vraiment que à partir de maintenant, vous pouvez dire un Stephen King là par exemple, mais genre, si quelqu'un cite un auteur, l'autre n'a pas le droit de reciter un livre du même auteur. Mais c'est beaucoup trop. Okay. Parce que, mais ça s'applique à partir de maintenant. À partir de maintenant. Ou pas? Est-ce que là on a le droit de citer des auteurs qu'on a déjà cités avant là, et on peut plus leur dire tout après ce que tu veux. Ouais, là tu peux citer tout ce que okay. tu veux. Ok. Ok, ça va être chaud. Alors du coup, moi je dis L'Entre-deux de la Folie de John Carpenter, adapté de Lovecraft. Bah non, c'est pas une adaptation, c'est une adaptation spirituelle. Non, parce que ça pique beaucoup au livre L'Abomination de Dunwich. Vraiment beaucoup, beaucoup. Mais ça reprend des thématiques Lovecraftiennes, mais. Non, parce que c'est. Non, parce que t'as clairement. Il n'y a pas de... Parce que ça reprend l'histoire de l'abomination de Dunwich avec le village, etc. Ça reprend, mais c'est pas marqué adapté. Donc, Bon bah, je dis Nosferatu alors, vas-y. Quoi? Je dis Nosferatu alors. Vas-y, Nosferatu. Du coup, plus de Bram Stoker et plus de Lovecraft. Ça va être chiant pour moi, pour Lovecraft. Du coup, Livre de sang de Clive Barker. 1984. Ouais. Orwell. Qu'est-ce qu'il est chiant. 20 000 lieues sous les mers. Le film Disney. On n'a plus de droit au Jules Verne du coup. Ouais. Doctor Sleep. Ah, pute Stephen King. Ouais, Stephen King. Ouais, pute Stephen King du coup. Juste une question, c'est adapté d'un livre Big Fish, non? Peut-être. Attends. Vérification. De Burton, tu parles? Oui, oui. Le Big Fish de Burton, ouais. Oui. Ouais. Ouais. Ok. Donc, à moi, The Disaster Artist de James Franco, adapté du bouquin de Greg Sestero. Ouais, bien joué. Du coup, on compte aussi les bouquins reportages, du coup. Ouais. Oui. Tant qu'ils ont été adaptés en film, oui. Ok. J'ai pas mal d'idées, mais il y a plein de... Ouais, vas-y, il arrive super vite, ton 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, connard. 6. Ta mère, c'est un hamster. 4. 3. Vas-y, c'est bon, va te faire 2, foutre. 1. Vas-y, il y avait, alors, il y avait le parrain. Putain, j'avais un doute, j'avais un gros doute sur le parrain. Il y avait Jurassic Park aussi. Le silence Jurassic des Park devait sortir pour le prochain. Le silence oui, des agneaux. C'est vrai. Il y avait James Bond. Les liaisons dangereuses. Les, James Bond. Les liaisons dangereuses. Qui passaient. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah, ça là, c'est un livre. Ouais. Il y avait Midnight Express. Oui. Enfin, oui. Non, il en restait plein, quoi. Oui, bah. Oui. En fait, c'est frustrant parce que quand tu joues, tu ne penses à rien, alors que quand tu arbitres, entre guillemets, tu penses à tout. Il y avait. Les évadés aussi. Ah, vous l'avez dit, les évadés. Oui, on l'avait dit, les évadés. Ouais. Le Forrest Gump aussi. Putain. Attends, ouais. Ah putain, ça c'est un livre Forrest Gump. Ouais, c'est pas j'en ai un. Est-ce que c'est adapté d'un bouquin The Social Network aussi. C'est un bouquin, ça. C'est basé sur un livre, The Social Network. Black Cat Lanceman, on aurait pu dire aussi. C'est pas un livre. Black Lanceman. Il me semble. Si, oui. Si, oui, il est bien livre. Oui, il a fait ses mémoires, c'est vrai qu'il a fait ses mémoires. Il y avait Call Me By Your Name aussi. Oh, mais putain, qui aurait cité ça? Il y avait dans le même délire, il y avait Été 85 de Ozon. Il y avait Jojo Rabbit. Je savais pas que c'était ça. Jojo Rabbit oui, aussi. Putain. Les filles du Dr. Marsh, qui est habitué, enfin, qui a adapté de. Bah voilà. Ouais. Et après, j'en avais plus. Voilà. Du coup, Roman, tu remportes la manche face à Ulysse. On fait quand même la dernière pour le fun. Surtout que oui, vas-y, on l'a fait. Elle va pas durer trop longtemps. C'est films qui ont gagné l'Oscar du meilleur film. Oh non, mais merde! Ah bah, j'ai mis les livres en premier. Hein. J'étais gentil. Bon, ah, mais merde, tu commences. Je suis super désintéressé de ça. Bah vas-y, Le Silence des Agneaux. Oui, ça marche. Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Ah oui, c'est vrai, il a gagné. Oui, ça marche. Il a eu 11 Oscars, l'enculé, quand même. Ouais. Parasite. Oui. Titanic. Oui, ça marche. J'ai plus d'idées, ni que ça. Pense film français. Il y a des films français qui ont gagné des Oscars. Il y en a. Avec Jean Dujardin. Ouais. Ah oui, The Artist. Moonlight. Ouais. Et pas La Land, du coup. Je suis mort. J'essaie de donner des indices en mode... Putain. Ah bon. C'est bon, là, je l'ai plus. Vas-y. T'as gagné, Roman. Il y avait Green Book, il y avait La Forme de l'eau récemment aussi. Ouais. La Forme de l'eau, oui, j'aurais dû le citer, j'adore ce film. Il y avait Le Discours d'un Roi... Le Discours d'un Roi, j'y pensais, mais je ne l'ai pas dit parce que je n'étais pas... Il y avait Argo, il y avait... Oui, c'est vrai. 12 Years a Slave, il y avait Birdman. Ouais. Il y avait Shakespeare in Love, ça passait... Miss Daisy et son chauffeur. Oui. Il est super raciste, ce film. De mémoire, il y avait Forrest Gump. De mémoire, ça passe. Je crois, oui. Je crois que West Side Story l'a eu. Ah, je suis pas sûr. Il a eu 4 Oscars, je crois. West Side Story. La liste de Schindler, je crois que ça passe. T'as, du coup, le prochain Spielberg, c'est le remake de West Side Story. Vous êtes au courant de ça? Ouais. Il a eu 10 Oscars, il en a eu 10 des Oscars West Side Story. Ah oui, il a dû le choper dans l'eau. Je me suis fait chier un peu. Mais je l'ai vu jeune, donc il faut que je revoie. Casablanca, ça passait. Enfin bref, il y en avait pas mal, mais bon. Ah ouais. Voilà. Du coup, un partout. Il a le meilleur film, ouais. Ok. Du coup, Ulysse 1 point, Roman 1 point. Donc Roman et moi, on va s'affronter sur la dernière manche. Si Roman, tu me bats, tu remportes les thématiques, sinon personne ne remporte et ça fait match nul sur cette épreuve. Voilà. Okay. Donc, Ulysse. Ok. Alors, les thématiques, j'en ai préparé 3 magnifiques. Première thématique, Film qui traite de la famille. Je commence, s'il vous plaît. Midsommar. Hérédité. Je savais que tu allais dire ça. Little Miss Sunshine. Parasite. Ah, sa race. Ghostland. Pense à un film que je vous ai fait voir. Non, mais il a dit Ghostland. Il a dit Ghostland. Ghostland. Ok, vas-y. Okay. Jojo Rabbit. Oui, putain. Un film que tu nous as fait voir. Je suis sûr que c'était Harry Potter, quand même. Non, pas du tout. Ça traite de l'orphelin. Enfin, il est orphelin, il a des mauvais rapports avec son oncle et sa tante, donc dans un sens, ça traite de la famille. Mais pas du tout. Arrête, Hugo. Je te trouve très dur. Je te trouve très dur. Je te trouve très, très, très dur. Honnêtement. Non, écoute, ça parle pas du tout. Ça parle de l'amitié, pas de la famille. Mais il y a un rapport à la famille qui est particulier, quand même. Mais n'importe quoi, arrête de creuser, Hugo. Non, mais, enfin, je le dis c'est genre... C'est moi l'arbitre. Je t'emmerde. Ok, ouais, si tu veux, mais enfin, moi, je le disais premier degré, quoi. T'es mort. Vas-y, dis un autre truc. Aquaman, ça passe. J'ai pas vu. Aquaman, il... Aquaman. Oui. Il va nous citer tous les films où il y a une famille. Bah oui. Mais qui traite d'un rapport privilégié à la famille, tu vois. J'en ai un. C'est bon, bouge. Ça s'appelle La Finale, avec Thierry Lhermitte. Ou genre c'est un... Oui, bah je sais, je sors de nulle part, mais genre c'est un... Hey, Hugo, écoute-moi bien, La Cage Dorée. Ouais, Les Tuches. Lou, journal infime. C'est trop bien. Vous voyez Lou, ça tue. Bah nous trois ou rien. Ouais. Vice versa. La famille Bélier. La famille Tenenbaum. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Est-ce que je dois dire qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Non, mais non. De toute façon, t'en as plus que moi. Si tu commences à citer les suites, on s'en sort pas, quoi. Ok. Man of Steel. On reste dans les films de merde. Je suis désolé. Tu retires ça tout de suite. Du cobu. Du cobu, ça parle pas de la famille. Mais bien sûr que c'est... Mais... Bref, on n'a pas la même décision. C'est pas parce qu'il y a une famille que ça parle de la famille. Mais, hein. Mais il veut pécho la mère de l'autre, du coup, ça... Enfin bref. Mais n'importe quoi, arrête de raconter des conneries, ça compte pas. Allez, vas-y, 10. Neuilly sa mère, ça passe, non? J'ai trop dans le film français. Neuilly sa mère, oui, ça marche, Neuilly sa mère. Bien sûr que ça passe, arrête. Non, si, ça passe. C'est dur, oui. C'est très dur. Ça un peu, les gars. Ça passe, Neuilly sa mère. Halloween de Rob Zombie. Grave, ouais. Bien joué. Virgin Suicide. The Devil's Project de Rob Zombie. Putain, je l'ai pas vu en plus. Putain, que j'ai vu récemment. Bernie de Dupontel. Oui. Ah, Adieu les cons de Dupontel. Ah, le bâtard. Je risque d'arriver à court de... Pas 8 femmes, je me répète, mais 8 femmes. Oui, ça marche. C'est limite, mais ouais. Est-ce que Ant-Man, ça marche? J'hésitais. Hein. Non. J'hésitais à le dire Ant-Man. Ant-Man, ça marche pas? Non, Ant-Man, ça marche pas. Arrête. Tout le but du film, c'est qu'il récupère la garde de sa fille. Tout le dernier acte, c'est chez sa non, ouais, c'est son ancienne, ouais, passe, chez son ancienne femme et son nouveau mari. Ça passe, Ant-Man. Putain, j'aurais dû le dire. Ça passe limite. Ça passe limite, ok. Ça va être dur. J'ai envie de dire Spider-Man, mais il va me recaler. Je le laisserai passer Spider-Man pour le coup. Ça dépend lequel. Celui où Ben il meurt. Traumatisé mon enfance. Il y en a deux où Ben il meurt. Oui, non, en vrai, The Amazing Spider-Man, je trouve que le rapport familial est plus important. The Amazing Spider-Man 2, passe. Surtout. Ouais. Ça passe. Oh putain, j'en avais un en tête juste avant. Sa mère, la reine des putes. Cool, ça, si t'en as pu. Si. Shining. Ah oui. Bien joué. Bah oui. Ouais, parce que j'ai rêvé que je vous découpais, toi et Danny à la hache. Je vais pas te faire de mal. Je vais juste te faire un grand trou par où je vais t'enfiler. La VF de Shining, mon dieu. Alors, c'est ah, Bertrand Cantat a pas tué la bonne personne. Ah les gars. Bertrand Cantat a pas tué la bonne personne de la famille Trintignant. T'es un bâtard. Horrible. Oui. T'es un bâtard. Oh mon dieu. Bon, du coup, les gars, c'est tout ? Attends. Putain, j'en avais un, je l'ai perdu, je fais chier. Oh non, ça, je peux pas me permettre, surtout avec lui. Non, ta gueule, non, tu viens trop vite. Non, ça arrive trop vite, t'es sérieux ? Non, t'es un bâtard, Ulysse. Non. 5. Lady Bird. 4. Ah, bâtard. Ça oui. Passe. C'est pas bah, celui que j'avais. C'est du Dr. Marsh, du coup. Ah, oh, bâtard. Putain, j'en avais un. Putain, j'ai. Oh, je peux pas me permettre de ça. C'est pas possible. Si je dis Black Panther. Ça passe. Ouais. Ça passe. Ça passe. Et ça passe. C'est pas. Ça passe. Genre, c'est pas ça, ça passe. Passe. C'est ça passe. Passe. On est sur la. On est sur la limite là. Star Wars épisode 5. Oh, j'accepte pas. Et Star Wars épisode 3 ? C'est pas une des thématiques, c'est juste à la, vers le final où t'as un truc comme ça, mais. Ok. Lolita. C'est dégueulasse, mais ça passe. Ça passe vraiment, hein, ouais. Mais j'ai encore reperdu. Putain, je suis une bite. J'en avais retrouvé un que je viens de reperdre. C'est terrible. Felicita, totalement de la famille. Oui, je me depuis le début, je me dis, il va le sortir un moment, celui-là. Je viens de ça vient de popper. Vas-y, Roman. Ouais. Il y en a ouais, un depuis le début, j'espère tellement que vous allez le sortir, juste pour faire mon fanboy. Est-ce que le monde est à toi, ça passe? Je l'ai pas vu. Hugo, tu l'as vu? Non. Bon, je sais pas si on le compte du coup, vu que personne l'a vu. Non, je te fais confiance quand même. Vas-y. Okay. D'après ce que je sais du film, ouais. Bah, c'est surtout pour la relation entre la relation, on va dire, pour être poli, conflictuelle. Entre le héros, j'ai plus son nom, et sa mère jouée par Isabelle Adjani. Ouais, vas-y, alors, on enchaîne. Putain, je suis un grand ouf. Rocketman, vous pouvez pas dire non. Ouais, bien joué. Oui, c'est vrai. Film qui traite de la famille. Le fils de Frankenstein. Il y a le droit au documentaire ou pas? Si tu veux, vas-y. Parce que d'ailleurs, qui est dans mon top de l'année, mais Adolescente, qui est sorti en septembre, si je dis pas de conneries. Ok, bah Ulysse, du coup, merci. Le fils de Tchéki. Ah, mais bande de. Il va citer tous les fils. Le fils du masque, allez hop, joue. Oh les gars, on parle de suite de film avec Jim Carrey ou pas? Dumb and Dumber 2. Oh, le Il passe. C'est dégueulasse Dumb and Dumber. Moi je vais rester sur ce que je sais faire, c'est-à-dire les films récents. Je vais dire Madre. Que j'ai pas vu. Et qui est aussi dans mon top de l'année. Oh, j'ai retrouvé. De l'année. Ouais. C'est bon, j'ai retrouvé le film que j'avais perdu de tout à l'heure. C'est bon, ok. Oh, c'est à moi là, c'est à moi. Mais je sais, Roman, je sais. Ouais. Je sais, mais j'en ai, je suis dans la merde. Là, clairement, je te le dis, j'en ai un sur il passe, un ric-rac. Alors, question, est-ce que le labyrinthe de Pan, ça passe? Non. Ah oui. Ok. Alors, sur qui passe, je dirais papa ou maman. Oui. Ouais. Police. Ouais. Du coup, merci, je t'ai tendu une perche, tu l'as pas saisi, je vais dire papa ou maman 2. Non, on n'a pas le droit. Merde. Non, bah j'aurais dit Dr. Sleep sinon, tu vois, mais Bon bah du coup j'ai Silvery Crack, hein. Aitonia, est-ce que ça passe? Aitonia, ça passe, ouais. Par rapport à la relation conflictuelle qu'elle a avec sa mère. Ouais. Est-ce que l'exorciste, ça passe? Ah, totalement. Ok. Moi, je... Après, j'aurais pas dû dire ça, parce que du coup... Interstellar. Bien joué. Ouais. Couple modèle, adapté de Stephen King. Pas vu. C'est un film où une femme se rend compte que son mari est un tueur en série. Même si j'aime pas du tout La Reine des Neiges. Oh mais je suis trop bien. La Reine des Neiges. Je suis trop bien La Reine des Neiges. Et bah ben, c'est quoi Vaiana? Vaiana. Vaiana, ça parle pas tellement de la famille, hein. Réponse alors. Ok, je sais, ouais, j'ai trouvé, réponse, j'ai trouvé. Vrai. Ulysse, j'ai trouvé. Vas-y. Les enfants loups. Mais putain, mais oui, enfin. Mais c'est le film absolu qui parle de la famille. Il n'y a pas plus clair. C'était, attends, c'était dans cette catégorie que tu as dit penser à ce que je vous ai donné ou c'était avant? Parce que c'est en pensant à ça que j'ai trouvé. Hein. C'est celui-là. Oui, voilà, bah c'est pour ça, c'est en pensant à penser à ce que je vous ai donné à voir que j'ai trouvé. Il n'y a perçu. Pas plus de films sur la famille que ça, quoi. Enfin, je veux dire, essayer de trouver un film qui a un thème aussi fort sur la famille. J'attends. C'est vrai que c'est compliqué. Bref, à toi, Hugo. J'adore Roman. Est-ce que Breakfast Club, ça peut passer? Entre toutes les discussions qu'ils ont sur la famille, là. Ouais, vite fait. J'ai déjà fait ça passe, Breakfast Club. Ouais, on va dire ça passe. J'ai déjà dit Little Miss Sunshine ou pas, j'ai un doute. Oui. Oui, tu l'as déjà dit. Tu l'as dit au début. Je sais dans le deuxième que t'as dit, je crois. Est-ce que ça passe les Dalton? Oui. Est-ce que ça passe Society de Brian Yuzna? Oui, ça passe. Ouais, ok. C'est dans Shrek 3 qu'ils ont des gosses? Oh, mais non, mais arrête, c'est pas possible! Oh, ouais, si Shrek 3 ça passe, l'âge de glace 3. Non, mais ouais. L'âge de glace 3, si ça passe totalement. Mais il va nous citer Cars 2, on va rien comprendre. Mais... Non, Toy Story. Ouais, ça marche. Ça peut... C'est Rick Rack, mais. Ça marche. Est-ce que là-haut ça passe? Est-ce que là-haut ça passe? Ok, ça passe là-haut. Tu comptes le couple comme la famille ou pas? Non, oui. Mais c'est plutôt la relation qu'a le vieux avec le jeune. Oui, aussi, ouais. Ah, oui. Ah, putain. Alors, Ellie, si t'as pas vu le film, ce sera compliqué, mais Magnolia, ça peut passer. Pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Bon, bah, sinon, je dirais. Bon, bah, Feston, sinon. Feston, ok. Du coup, est-ce que Drunk, ça compte? Ouais. Okay, ouais, quand même. Drunk. Ouais, quand même, ouais. Forrest Gump. Ouais. C'est... Ouais. En avant. Ouais. En avant, le dernier Pixar. Ouais, je pense que... Oui, en avant, oui. Seul contre tous, de Noé. Ouais, ça parle de famille. J'ai pas envie de perdre celui-là. Putain, si je gagne, c'est un braquage. Est-ce que Ring, ça passe? Ring 2. Ok, Ring 2. Bunny Lake. Bien joué. Searching. Oh, putain, il y a ce film d'animation, comment il s'appelle? Que je regardais tout le temps quand j'étais gosse. Le truc avec le chien qui voyage dans le temps, là. Ah oui, je l'ai. Monsieur Peabody. Bah, je te le dis pas. Monsieur Peabody et Sherman. Voilà, Monsieur Peabody et Sherman. C'est chambé, ça. Je pense que si tu trouves celui-là, tu as gagné, parce que je ne pense pas être capable d'en sortir un derrière. Voilà. Ok, Easy Girl avec Emma Stone. Attends, je vais essayer. Les gars, vous avez pas vu Slug Serait Vomit Girls, hein? Non. Vomit Dolls. C'est carrément un film sur la famille, hein. Attends, je vais essayer de te penser. Je passe à voir ce que tu fais. J'ai. Merci les films que j'ai vus en salle à la réouverture. Benny, qui est sorti il y a longtemps quand même. Mary de Mark Webb, c'est génial. C'est un film sur Chris Evans qui s'occupe de sa nièce parce que sa la mère de sa naissance est morte, et il se rend compte que c'est une génie des maths. Et donc tout le film, c'est sur la relation entre lui, sa nièce, et la grand-mère de sa nièce, donc sa belle-mère. Et c'est génial. Est-ce que j'abuse si je dis Joker? Oui, t'abuses du Joker, ça marche pas. Ok, j'en avais un autre. Quelqu'un vu Vivarium ou pas? Non. Vivarium, oui, complètement. Complètement Vivarium. J'ai pas vu Vivarium, moi. Si, ça compte. Ça compte complètement. Ah non, je sais pas si ça compte. Est-ce que le petit prince, ça compte? Pas vu, pas pris. Pareil. Hugo. Bah, relique. Oui, relique. Ah putain. Ça va être sans fin. Oh non plus. Hein. Je veux dire, j'ai fait dormir 5 fois. La fille de Dracula. Ça existe. Faites des recherches, ça existe. J'allais dire... Non, j'allais dire une connerie. Mais je vais dire une connerie, c'est la bonne réponse. Oui, j'ai la rêve. Ah oui, j'ai compris. Putain. Oh putain, je viens de te donner un énorme indice. Ah ouais? Non mais ok, je dis pas plus. Tout ce que je connais avec Sean Connery, c'est James Bond, donc... Ok, non mais... Ok, non mais heureusement. Vas-y, dis un truc. Ah putain, sans un bruit. Ouais, non mais lundi c'était les inconnus en fait, les trois frères. Ah oui, putain, oui, totalement. Je crois que ça va être la fin. 10. Ah mais 9, attends, mais attends. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Man on the Moon, ça peut passer ou pas? 0, non. Non, Man on the Moon. Je l'accorde pas. J'ai été loin. Alors, ouais. J'aurais pu dire Thor Ragnarok, ça passait à la limite. Thor Ragnarok, oui. J'avais trouvé aussi Hellraiser, Le Garçon et la Bête, Persepolis, Benjamin Button, Goodbye Lenin, oh oui, Le Livre de la Jungle, Hôtel Transylvanie, oh, et Jurassic Park. Je suis un enculé. Et Jurassic Park, surtout. Hôtel Transylvanie, je l'ai pas dit. Même Retour vers le futur, hein, ça passait. Ouais, totalement. Ouais, aussi, ouais. Je peux avouer un truc. Le mec, il fait que voir sa famille à différentes époques, c'est... Oui, c'est clair. Je peux faire une confession, quoi. En plus, il baisse sa mère. Je peux faire une confession, quoi. Tu baisses ta mère, Dirty. J'aimerais faire une confession. Vas-y, Hugo. Bon, du coup... Quand j'étais... Attends. S'il te plaît. Voilà, j'ai fait ma confession. Quand j'étais petit, quand j'avais même pas 10 ans, tu vois, j'avais un crush sur la meuf de Hôtel Transylvanie. Voilà. Mais tout le monde avait un crush sur la Transylvanie. Attends, c'est une goth, vampire, trop kawaii, frère. Moi, j'étais trop vieux. Ouais. Bah, quoi qu'il y ait des gens qui crushent sur ça, alors. Elle a 118 ans, ça va. C'est pas non plus. C'est vrai. J'avoue. Du coup, est-ce qu'elle rentre dans la catégorie Granny? Bien conservée, la Granny, mais ouais. Enchaîner. Vous savez, dans du formol, le truc. Bah, techniquement, bon, Gary Oldman dans Dracula, il a pas loin de 1000 ans. Hein. Ouais, bah écoute. Un petit peu de sport tous les jours, c'est la clé. Oh, attends, non, Lopan. Lopan dans Jack Burton. Ah ouais. Jack Burton, il a plus de 2000 ans. Je pars déjà avec un inconvénient, enfin avec un point de retard, c'est terrible. Alors, là, j'hésite entre deux. Roman, si tu gagnes cette thématique, tu gagnes tout l'épreuve de la thématique et ça te fait un point global, hein, je rappelle. Yes. Ok. Attention, c'est parti. Alors, j'ai un bâton de un stick de bretzel avec moi, me demandez pas pourquoi. S'il tombe à droite, quand je le lâche, parce que là, ta vie sexuelle ne regarde que toi. S'il tombe à droite, c'est la première thématique. S'il tombe à gauche, c'est la deuxième. Attention. Mais tu peux pas que je t'ai rapide ou face. S'il tombe à droite, la première thématique, c'était le mal-être. Yes. Allez, le mal-être. Quels sont vos meilleurs films qui parlent de dépression et de mal-être? The End of Evangelion. J'allais le dire en plus. Oui. Putain. De mal-être. C'est le truc qui... Ouais, le mal-être, la dépression. Ça, du coup, ce qui a commencé, c'était Roman ou moi? Non, c'est toi, t'as et commencé par Eternal Sunshine. Oui, par Roman, il a dit The End of... Bon, moi, je dis Eternal Sunshine, du coup. Ouais. Mais non, mais t'avais commencé avec Eternal Sunshine. Non, mais t'as commencé à la manche d'avant. J'ai commencé à la manche avant, donc il faut que ce soit toi qui commence. Ah, bah, du coup, c'est Eternal. Ouais. Film qui parle de mal-être. Hérédité. Ouais. Bien vrai. Pas juste. Pas Midsommar. Get Out. Je veux juste en finir, de Charlie Kaufman. Que j'ai pas vu. Mais du coup, je dirais Anomalisa. Joker. C'est vrai. T'es chiant, toi aussi. Film qui parle de mal-être. T'es marrant, toi. Vice-versa. Oui. Bien joué. Après, vice-versa, tu peux le caler dans toutes les émotions, quoi. Oui. Martyr. Ghostland. Martyr, pas trop. Pas trop. Bah avec, avec le personnage de Lucy, quand même, mec. Ouais, ouais. Moi, j'ai vu des extraits. J'ai redit Little Miss Sunshine ou pas? Non. Non, tu l'as pas dit. T'as dit Eternal Sunshine. Oui, bah, autre Sunshine, Little Miss Sunshine. The Lighthouse. Bien joué. Non, c'est pas une thématique qui rallonge. Héros. Ouais. Felicita. Non. Non. C'est l'inverse de la dépression, Felicita. Je sais pas, je l'ai pas vu. Non. Bah alors, ça compte pas, Roman. Ok, t'as dit mal-être. C'était pas forcément la dépression. Ouais. Bah, se sentir mal, se sentir. C'est une... le mal-être, tu vois, le mal-être. Un personnage qui est en mal-être. Ça marche? Ouais, ça marche. Ok. Je. Ah, Virgin Suicide, ouais. Je prends pas de risque. Ouais. Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, ouais. J'ai envie de redire Seul contre tous, mais je sais pas si. Non, ça marche pas. La solitude. Parce que le personnage de Seul contre tous, il est pas en mal-être, il a juste une haine en fait envers la société. La solitude, ça compte comme le mal-être ou pas? Non. Ça dépend comment tu vis la solitude après. Ouais, donc Amélie, ça compte pas. 8 Mile, ça compte. Ouais. Full Metal Jacket. Ouais, carrément. Avec le sergent baleine. Pas que le sergent baleine, hein. Oui, oui, mais surtout... Joker aussi, baleine. Il est pas mal retourné. C'est vrai que Joker... Putain, j'en ai un, mais je sens que ça va pas passer, il faut que j'essaie d'en trouver un autre. Moi, je dis quand même haute tension. Non, ça marche non, pas. Ouais. Putain, je suis sûr que j'en ai un. Genre, tu vas m'en dire, je vais me sentir con. La Reine des Neiges, ça peut passer. Non. Putain. 10. Ah, fais chier. 8. 7. 6. Putain, casse les couilles. 5. 4. 3. 2. Drive, je sais pas, nix. Oh, non. Je tente dans un dernier. Non. Bon, bah, voilà, Roman, tu remportes. Est-ce que The Witch, ça passait? Non. Ok. Et j'avais aussi Le Septième Sceau, Ex Machina, Donnie Darko et Princess Mononoke. C'est vrai. On fait la dernière pour le sport? Et aussi Persona. Pour le sport, même si, bon, Roman a déjà gagné. On va passer à la prochaine thématique. Oui, du coup. Je verrai tellement Barjo. On fait ça, allez, pour le sport. Sur la poitrine d'une comateuse. Ah, yes. Faut que j'essaye de marquer un petit point quand même, ça peut être cool. Alors, la partie que j'ai ensuite, c'est un film qui impose une critique. Hein? C'est large. Critique de la société. Un film qui impose une critique. Ah. C'est celle dont je suis plus fier et dont j'avais des centaines de films. Ah bah, j'en ai pas beaucoup. Il y en a plus de 150 que tu pourras. Si je peux attraper, devenir maître critique de société, c'est ta destinée. Joker. Society. Les gars. C'est genre, c'est comme Ulysse avec les Oscars, là, vraiment, j'ai aucune putain d'idée, mais genre, vraiment. Black Kingsman, ça passe pas. Ça passe. Si, ça passe. Si. Bien sûr que ça passe. Et si. Parasite. Ouais. Bah, Get Out. Non. Ouais. Oui, c'est une comment critique ça, du racisme de gauche. Oui. J'adore cette expression. Us. Oh, c'est Belloum. À couteau tiré. J'ai pas réussi à tenir ce film, t'as critiqué quoi? Bah, du coup, les familles bourgeoises qui sont prêtes à s'entretuer pour un héritage. Ok. Voilà. Moi, je reste dans le... C'est plutôt une critique, tout simplement, de la bourgeoisie. Oui. Moi, je reste dans le racisme, la voie de la justice. En film sur la dépression, il y avait aussi Perfect Blue de Satoshi Kon. Que j'ai pas vu. Pas moi non plus. Et faut que je revoie. Parce que je l'avais pas aimé, mais faut que je revoie. Par contre, niveau Satoshi Kon, j'ai un DVD de Tokyo Godfathers juste là. Faut que je le vois. Faut surtout que je vois Paprika en fait. Tu sais, dans le coffret que j'avais acheté à Noz pour 3 balles avec Cowboy Bebop le film, Metal Hurlant et Metal Hurlant 2000, et du coup, Tokyo Godfathers. Cowboy Bebop. Ça, c'est de la putain de série. C'est à moi du coup. Yes. Shining. Voilà. Shining. Shining, c'est une critique de quoi? De la violence en général. Ouais. Bien joué. Le mec est alcoolique, qui bat son fils. Tu l'as dit, ça parle beaucoup du massacre des Indiens aussi. C'est un film sur la violence en général, Shining. C'est surtout par rapport à ça, par rapport à la. C'est une critique de l'Amérique, Shining. Enfin, selon moi. Bah, Miss, non, Miss, ça passe. Ouais. Enfin, j'ai pas vu le film, mais je sais de quoi ça parle, donc ouais. Hellraiser 8, c'est une critique du bon goût. Rabbi Jacob. Ouais. Oui. C'est quoi ces bruits de clavier que j'entends là, Hugo? C'est pas moi. Non, c'est moi. Ok, Juste pour vous humilier à la fin, je suis en train d'ajouter encore plus de films qui critiquent à ma liste de films. Oui, qui... bah tu fais pas non plus, voilà. Ça doit critiquer quelque chose de réel ou pas? Bien sûr. Ah merde, parce que j'allais dire divergent. J'ai, enfin putain. Ouais. Borat. Ouais, bien joué. Oui, Borat, ok. Elle va pas durer longtemps celle-là. Ouais, Docteur Follamour. Bien joué. J'ai envie de dire Lex Eterna, mais. Non. Ça critique les plateaux de tournage et les producteurs. Enfin... Bref. Oui, ça critique les producteurs, t'as raison, donc vas-y, on y va. T'as déjà dit Black Clansman, ouais. Le labyrinthe de Pan, avec le franquisme. Ouais, bien joué. Putain, je crois 10, que tu peux... Ouais, tu peux lancer 9, ton décompte, ouais. 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Et afin de bien vous niquer, il y avait aussi Salo, Bad Boy Baby, La Danza de la Realidad, Poesia Sin Fin, La Montagne Sacrée, Robocop, Starship Trooper, Rambo 1, Perfect Blue, American History X, Porcherie, Good Morning England, et Weekend Rewind et Imperium. Et là, c'est juste ce que j'ai trouvé pendant que vous parliez. Scum. Scum aussi. Voilà. Et bah écoute, c'est Roman qui remporte ce jeu du coup. Et bah c'est un tiers, c'est gagnant. Putain, ça fait deux tirs, c'est gagnant la suite là. Ouais, bah dis donc. Il nous a niqué, mais en même temps c'est le plus grand. Donc, le prochain jeu, c'est le El Famoso résumé foireux. C'est-à-dire que chacun notre tour, on va décrire des films de manière pour le moins approximative. Le but c'est d'être le plus flou possible pour donner le moins d'indices et que ce soit le plus galère possible pour les deux autres de trouver. C'est assez bien résumé, ça va ? Ouais, ça va. Ouais, moi je... Disons que c'est un résumé foireux de l'épreuve du résumé foireux. Moi j'avais... tout simplement résumé un film de la pire manière possible. Ouais, c'est plus simple. Oui aussi. Voilà. Et moi c'était plus... Moi c'était encore plus foireux, tu vois, c'était pour coller avec le thème. Bien sûr, évidemment. Du coup, vas-y Hugo, tu commences. Du coup, ok, ouais, c'est Hugo, mon petit document Word où j'ai écrit... Alors... La somme chacun, c'est ça? Ouais, alors du coup, oui, très important, vous dites top avant de répondre et j'interroge. Okay. Vous ne dites pas top et le nom du film, je vous interroge après vous répondez. Mmh. Ok, ok. Ok. Alors, c'est un tube de colle qui peut provoquer la fin du monde. Top. Roman l'a dit. La grande aventure Lego. Oui. Ah, bien joué. Oh, yes. Oui, exact, bien joué. Celui-là était beau. Celui-là était très beau. On précise, voilà, il y a 5 cinq résumés par personne. Du coup, un point pour Roman. C'est des mecs qui roulent jusqu'à un endroit et après ils reviennent où ils étaient. Top. Ah merde, top. Ah, il a plus dit top malheureusement. J'ai dit en premier, hein. Je me vois dans l'obligation d'interroger Roman. Mad Max Fury Road. Oui, ah, c'est terrible pour Ulysse. On va 2 à 0. Attention, le troisième. C'est une balade sous LSD à Los Angeles. Top. Top. Ah non, putain, Los Angeles, non. Non, je l'ai pas. Non, c'est non. Moi. Ok, Ulysse. Ah si. Under the Silverlake. Oui. Putain, je suis trop con. Bravo, point pour Ulysse. Oh, je suis trop con, putain, je l'ai... J'ai le bout de la langue. Ah oh, putain. J'ai le DVD qui est abonné en plus. C'est Harry Potter qui fait des proutes. Top. Oui. Est-ce que c'est Army Man ? Oui. Oh le bâtard. Oui. 3-1. Allez, un petit dernier pour le kiff. Je sais qui va vous faire kiffer celui-là. C'est un mec qui se met debout à côté d'un étendard à linge et qui croit qu'on le voit pas. Top. Halloween. Oui. Oui. Oh putain. Et j'en avais. Allez, même si ça compte pas, un petit dernier, c'est une meuf qui vomit un œil. Mon top. Ouais. Oui, exact. 3-2 pour Roman. Ouais. 3-2, ok, j'ai gagné. Du coup, là, c'est Ulysse qui les pose. Ouais, c'est Ulysse qui nous dit le thème. C'est 4 gars qui partent en road trip, mais s'ils plantent leur camion, ils sont cuits. J'espère que vous l'avez, les gars. Sinon, c'est un manque de culture énorme et un film à rattraper. Je crois que j'ai un film à rattraper. Vous saviez pas, du coup ? Ah, je l'ai pas, là, non. Le salaire de la peur. Ah, je l'ai pas. Ah merde. Alors du coup, c'est un mec qui se fait sucer par une nana qui a plus toute sa tête. J'ai au top. Vas-y. Haute tension. Ouais, bien joué. Oh putain, enculé. C'est un conducteur ultra balèze qui protège sa nana d'une bande de fous. Je sais que c'est... Non, j'allais dire drive, mais non. Bah tu dis top déjà. Top. Oui. Drive. Non. C'est pour ça, mais quel enfoiré. Top. Oui. Taxi Driver. J'en sais rien. Oh top, je l'ai. Oui. Baby Driver. Non. Ah si, ça colle. Ça colle, mais c'est pas. J'ai fait exprès que ça rentre dans plein de films en fait. Putain. Quel enfoiré. Top. Oui. Speed. Non. Top. C'est une bande de fous du con. Top. Oui. Oui. Le labyrinthe. Enfin le quand ils sont dans les le 3 plutôt. Non. Quand il y a des zombies. Non, le 2, quand il y a des zombies. J'ai pas vu le labyrinthe, du con. Ah, merde. Un conducteur ultra balèze. Ultra balèze. Et si je vous dis, je suis l'aigle de la route. Top. Oui. Mad Max. Putain, mais voilà, enfin. Ah, oh putain. Oui. Dites-moi que vous avez vu Mad Max 1. Oui, je l'ai vu, mais il y a longtemps. Putain. Ok. Putain. Avec le fameux la brossette. Du coup. Il y a un partout, là. Ouais. Ok. C'est un thriller dans lequel un attardé est accusé d'un meurtre. Top. Oui. La ligne verte. Non. Ah. Top. Oui. Le film turc là sur Netflix. Non. Oh. Ah, ça aurait pu, ça aurait pu. C'est un film que Hugo a vu, ça je suis sûr. Roman, je sais pas. J'ai envie. Alors, non, j'y crois pas, mais top. Oui. Memories of Murder. Oui. Ah oui, oh, putain, yes. Je l'ai pas vu. J'y croyais pas du tout. Bah du coup, 2-1. Et ensuite, c'est une bande d'explorateurs qui font des blagues beaucoup trop matures pour un dessin animé pour jeunes. Top. Oui. Ah non, merde. Non, j'allais dire le truc qu'elle a présenté, la recherche du diamant vert. Non, pas du tout. Pour un dessin animé pour gosses. Ouais. Une bande d'explorateurs pour un dessin animé. Alors. Une bande d'explorateurs qui font des blagues beaucoup trop matures pour un dessin animé pour gosses. La déchéance culturelle. Je vais vous le dire, vous allez dire. Je vais vous le dire, c'est quoi, vous allez faire. Ah oh, putain. Non, j'ai pas. Non. La réponse, c'était Atlantide. Oh putain. Ah. Ok, bah Hugo prend celle-là du coup. Hugo, tu gagnes du coup cette manche. 2-1. Ah oui, c'est fini. Ouais. Ouais, il y en a deux qu'on n'a pas trouvé. J'ai un point, c'est historique. Oh mon dieu. J'ai un point. Bref. Du coup, moi contre Hugo. Ah, c'est la finale ouais. En plus, non ? que t'as gagné. Ah non, c'est Roman qui avait gagné. Oui, ouais, c'est moi qui ai gagné la première. Ah oui, il faut que je m'impose parce que sinon, il n'y a personne à point. Et tout ça. Alors, c'est un mec qui trouve un bijou et tout le monde veut lui voler, mais lui, il veut juste s'en débarrasser. Top. Ouais, Hugo. C'est dans les anneaux. Oui. Oh putain, il était beau celui-là. J'avais en pas mal pour le Seigneur des Anneaux, je sais plus qui avait fait ça, mais je crois que j'ai vu sur Twitter, c'est des mecs qui prennent 9 heures pour ramener un bijou. Ça marche aussi. Ça marche très très bien, c'est drôle. Alors, 9 heures en version courte, 12 heures en version longue. Ouais. Alors, c'est un asthmatique gothique qui veut trouver une carte volée par une meuf visiblement fan de viennoiserie et t'as 3 jeunes dans la vingtaine qui essaient de l'arrêter. Tu peux appuyer ? C'est un asthmatique gothique qui veut trouver une carte volée par une meuf visiblement fan de viennoiserie et t'as 3 jeunes dans la vingtaine qui essayent de l'arrêter. J'ai pas vu ce film, c'est sûr. Si. J'ai vu ce film. Quoi ? Attends, oui. Quoi ? Non. Un asthmatique gothique ? Oui. Oui. Quoi ? Je suis très fier de celle-là. Je suis très... De l'arrêter. Un asthmatique. Je suis très très fier de celle-là. Je suis beaucoup trop fier de celle-là. C'est pas possible, j'ai pas vu ce film. Je le saurais si j'avais vu ce film. Je sais pas. Mon dieu. Vas-y, balance. C'est Star Wars. Oh le. Un espèce. Je suis beaucoup trop fier de celle-là. Pourquoi pas de viennoiserie ? Elle est géniale. Et ton raisin sur les oreilles. Oh putain, oui. Oh, elle est trop bien. C'est incroyable. Oh non. Un asthmatique gothique. Ah putain, mais oui, en plus, mais oui. Enculé. Putain. Ok, tu fais la palme d'or du meilleur résumé. C'est officiel. T'as la palme du meilleur résumé, là. C'est un groupe de collègues qui rentrent du taf, mais ils se rendent compte qu'il y a un passager clandestin qui s'est glissé dans le véhicule et qui veut les buter. Oui, je sais. Vas-y, Ulysse. Massacre à la contourneuse. Ils rentrent du taf. Ah, merde. Non, je sais pas. J'allais dire non. Non. Non, non, c'est pas ça. Bah, dis-le, tu ris sur rien. Non, mais j'allais dire collatéral, mais c'est pas un groupe de collègues. Non. Attends, putain. Ils rentrent du taf. Top. Ouais. Non, je l'ai pas. Non, j'allais dire le dernier pub à la fin du monde, mais c'est con. Un groupe de collègues qui rentrent du taf, mais ils se rendent compte qu'il y a un passager clandestin qui s'est glissé dans le véhicule et qui veut les buter. C'est un film connu ? Il est très connu. Putain, mais les résumés de Roman, ils sont hardcore. L'asthmatique gothique, il est hardcore. Ouais. Non, je vois pas. Moi, je l'ai pas non plus. Alien. Ah, putain, oui. Ouais. Okay. En plus, il a bien insisté sur passager clandestin, tu vois, tellement on est cool. Ouais, mais putain, ouais, j'avais pas pensé. Je voyais vraiment des mecs avec une cravate et tout, en fait. Ouais, grave, moi aussi. Ouais, c'est pour ça, c'est juste des camionneurs de l'espace, quoi, mais ouais. C'est un duo d'agents qui s'occupent de vérifier que les immigrés s'intègrent bien et à ce qu'ils fassent pas de conneries. J'en ai... Mais... Ouais. Made in Black. Oui. Ah, bien joué. Un partout. Ça, c'est la... Il t'en reste une, là ? Il m'en reste deux. On en a fait 4 ? Okay. Non, vous en avez fait 3. Non, 4, oui, 4. Ouais, un partout. Donc, ça, c'est le point décisif. Ok. Alors, j'en ai deux que je pourrais placer. Balance une facile. C'est une bande de potes qui cherchent le bateau d'un vieux macavé avec un seul œil. Et du coup, ils rentrent dans un resto où il y a des ritales. Oui ? Non, j'ai dit Pirates des Caraïbes, non. Top. Ouais, Ulysse ? Les Goonies. Oui. Enfin, ok. Bon, bah, je t'ai baisé, Hugo. Oui, ah ouais, les borgnes. Égalité tous, on est égalité. En termes de points général, on est tous à 0, sauf Roman qui a 1. Du coup, tout va se jouer sur le blind test. Alors, même principe, je mets la musique. Ah, okay. Dès que vous avez, vous dites top, je mets en pause la musique et après je vous interroge. Top. C'est Ulysse. Eternal Sunshine. Oh, non. Ah merde. Je remets. Top. Oui. Top. Oui. Poulain. Non. Ok. Bon, je laisse un peu, après je vous donne des indices. On dirait une loutre qui meurt. Eh, hey, les gars. Un film avec Ryan Gosling. Drive ? Non. Les gars, on dit que quand on fait une erreur chacun, ça arrête et on passe au suivant. Au pire. Ouais. Ouais, c'est mieux. Donc on passe au suivant ? Ouais, c'était quoi ça du coup ? C'était First Man de Damien Chazelle. Celui-là, faites attention, il y a du dialogue avant, ça peut vous aider à trouver. Ok, ok. This song is called I am sad, so very, very sad. Tap. Lys. Scott Pilgrim. Oui. This song is called I am sad, so very, very sad. So sad. Thank you. J'aime trop ce morceau. J'adore. Thank you. So ouais. Sad. Thank you. Ok, donc ça fait 1-0 pour Ulysse. Ouais, ça, 117, top. Top. Ah oui, Roman. Attends, attends, il a dit OSS 117 avant de dire top. Il a dit top. Oui, mais il a dit top après. Donc... Non, il a dit OSS 117, top. Oui, mais la oui, bah ça marche. Oui, bah top, donc vas-y. Je t'interroge, Roman. Bah, non, il a dit OSS 117, top. Et moi, tout à l'heure, j'avais dit avant le titre du film, et du coup, c'était à moi. Enfin, c'était à l'eau. C'est lui qui a essayé les points. Ah si, je suis désolé, mais... Hey. Tu m'as fait le coup avec Mad Max Fury Road. Hein. Non, parce qu'avec Mad Max, j'ai dit top, et après que j'ai dit top, t'as dit Mad Max Fury Road. Oui. Ah ouais, c'est vrai ? Oui. Ouais. Ah, ok, alors, bah, j'ai rien dit. Et pour être précis, c'est OSS 117, le carnet d'espions. Oui, exact. J'attendais le petit complet, okay. J'ai te le demandé, mais voilà. Un partout, du coup, ok, on passe au suivant. Top. Ouais. Interstellar ? Non. Putain. J'aime beaucoup ce qui se passe. Je l'ai pas. Vous allez l'avoir. Attendez un peu que ça reparte. Vous allez l'avoir. Bah Roman il peut pas l'avoir, il s'est déjà trompé une fois. Ça, bah, si je peux encore. Bah oui. Je peux encore dire mais je peux pas me retromper une deuxième fois par contre. Ouais. Ah ok. Putain, ça me dit un truc. Oui. Mad Max ? Non. Merde. Allez, dernière réponse après, voilà. Non, on s'est trompé tous les deux, c'est bon. C'était net. C'est la musique de la scène d'intro, avec les violons au début qui s'accordent. Un partout toujours ? Ouais, un partout. Ouais. Allez, on part sur scène. Top. Ouais. Bah du coup Rocketman. Exact. But you misread my meaning when I made. Close the door and left me blind. Alors, celle-là, c'est celle que je vous avais dit. En fait, c'est une chanson qui a été reprise dans le film. Mais en fait, je me suis rendu compte que si je vous mettais la version film, vous alliez trouver. Donc, je tente avec la version Spotify. Et si ça ne passe pas, je vous mets la version film. Ok. Ok. Well, all right. Alors là, ça me fait penser au générique de Samurai Champloo. Hop. Ouais. Whiplash. Non. Merde. J'attends que Roman donne une réponse, après je mets la version film. Top. Ouais. Je tente Baby Driver. Non. Ok, version film. Top. Oui. Holy Motors. Exact. Yes. Ça fait. J'ai pas vu. Partout. Ah, c'est génial. Vraiment. Ouais, je pense que ça va être cool. Ça fait deux partout. Ok, celui-là, je l'adore. Allez, c'est parti. Deux partout ? Ouais. Ok. J'avais lancé. Voilà, on va reprendre. J'adore ce qui se passe. Top. C'est Ulysse. La La Land. Oui. C'est là pour l'avoir, fallait rester jusqu'à la fin du générique. Voilà. Ça fait 3 à 2. Il y a combien de films qui sont passés là pour l'instant ? Alors. Donc là, il en reste 3. Il en reste 3 ? Non, il en reste. Si, il en reste 3. Allez, il en reste 3. Ok, je mets une compliquée. Un peu compliquée quand même. Oh putain, je l'ai. Top. Non, laisse tomber. En fait, je connais le morceau en lui-même. Je sais c'est quoi le morceau. Oui. T'as pas le film. Mais je sais pas c'est dans quel film qu'il apparaît. Je vous dirai du morceau après, mais je l'aime trop, je l'écoute trop, j'écoute souvent. C'est du film français. Voilà. Don't leave me now. Ouais. C'est quoi le... Attends. Ok, je donne un indice supplémentaire. Vas-y. Adapté d'un one-man show. Oh putain. Mais là j'apprécie grandement le moment. Moi aussi, mais putain, je l'ai pas. Ok, j'en ai parlé plus tôt, enfin je l'ai cité plus tôt, c'était Les Garçons et Guillaume à table, voilà. Don't leave me now. vu. Ok. Guillaume Gallienne aime beaucoup le groupe. Je crois qu'il a eu un crush sur le chanteur du groupe et il a insisté pour avoir cette chanson dans son film. Voilà, pour l'histoire. Okay. Il en reste deux. Bon, celui-là, je suis obligé de le mettre parce que j'adore. Top. Oui. Ghost Story, oui. Oui, oui, oui. Exact. Okay. Trois partout. Puis là, vous avez trouvé, c'est sûr. Ça met un peu de temps à démarrer aussi. Il y a des auditeurs qui connaissent les morceaux et qui sont en dire putain, ils connaissent pas les fils de pute. Oh putain. Non. Top. Oui. Top. Requiem for a Dream. Exact. Yes! Requiem for a Dream? Oui, ouais. Ah, la qualité audio était. J'y ai pensé, du coup, t'as gagné, Roman. Ce morceau s'appelle Lux Eterna. Voilà, petit fun fact. Sinon, en stock, j'avais ça. J'avais ça en stock. Ah, Drive? Ouais, putain, il l'a eu dès le bruit de la pièce, quoi, c'est fou. Kevinsky, oui, parce qu'on est, oui, j'aurais cité. Dave Cole, Kevinsky, évidemment. Oui, après, ça part. Voilà, c'est à mon tour, les gars. Attends, je dis ma dernière. S'il te plaît. Mais non, il n'y en a pas de dernière, là, c'est fini, il a gagné. Non, mais c'est pour le fun, c'est pour le fun. Elle compte pas, celle-là. Okay. Pour le fun. Normalement, Ulysse, tu as plus de chances de l'avoir. C'est Eternal Sunshine, non? Oui, exact. Ouais. Voilà. Bon, du coup, c'est à moi? Allez. C'est parti. Celui-là, il est facile. Je vous ai dit un truc. Top. Oui. Les enfants loups. Non. Top. Oh putain. Oui. Your Name. Ouais. Le thème de j'hésite entre les deux. Ouais, moi aussi. C'est pour ça quand t'as dit les enfants. C'est très belle la BO de Your Name. Ouais, elle est magnifique. Celui-là, je skip juste les premières secondes, sinon vous allez trouver direct. Top. Oui. Pirates des Caraïbes. Non. Top. Top, top, oui. Top. Toy Story. Oui. Quoi? Toy Story. Non, pas du tout. Oh putain. Les gars, vous faites mal à mon enfance. Non, mais on s'est trompé tous les deux là, c'est bon. Ah ouais. Les gars! Retour vers le futur 3! Putain, oui! Les gars! Non, mais on va se faire à des carrés, qui commence à démarrer aussi. Mais les gars, c'est là que je te redis que vous alliez l'avoir dès les premières secondes. Ah putain, je suis dégoûté. Ah merde. Tu sais à quoi je pensais? C'est mon moins préféré. Tu pensais à quoi? Rien dire. Je pensais à la scène de western au début de Toy Story 3. Oui, je vois, oui, totalement. Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je serais pas allé chercher des trucs aussi compliqués. Hein. Cette musique-là, je l'aime très fort, et si vous l'avez pas, sachez que je vais me mettre en boule et que je vais pleurer. Mais je pense que vous l'aurez. Je vais pleurer. Viens, Hugo, on la trouve pas exprès. Top. Oui. Top. Harry Potter, cette partie 2. Ouais. Elle était dans ma sélection. Fils de pute. Ah merde, ah ouais. Des plats. En plus, oui, oui, putain, énorme. Oui, des plats, mais. Harry Potter, cette partie 2. Ouais. Mais oui, mais elle est dans sa sélection. Oh, putain. La bataille de Poudlard, oui. Mais oui, oui, évidemment. C'est une de mes scènes favorites de toute la saga. Mais moi aussi. Moi mais aussi. Oui, clairement. On vient en faire un bisou. Alors, celle-là, par contre, je sais pas si tu l'auras, Hugo, mais c'est une musique culte du cinéma. Ah, merde. C'est parti. Top. Oui. La cité des enfants perdus. Non. Ah, top. Ouais. Top. L'armée des 12 singes. Ouais, l'armée des 12 singes. Ah, toujours pas vu. Regarde ce film, bordel. Ouais, je sais. Mais c'est une musique que j'aime très fort aussi. D'un film que j'aime très fort. Et ça, c'est une pub pour Rocket League. Vous l'avez, hein ? Eh ben non. Pas de citer le film. Je vous donne un indice. Non mais même, je pense pas que je. Je vous donne un indice. Ouais. Big Daddy. Quoi? Big Daddy. Big Daddy. Ouais. À top. Qui casse. Ouais. Ouais bah voilà, qui casse. Ça, vous avez pas vu, t'as pas vu Kick-Ass, Hugo ? Non. Oh, merde. Celle-là, elle est un peu plus chaude à voir parce que c'est une musique qui apparaît dans un film, qui apparaît dans un bande-annonce, mais qui est très très légère quand elle est dans le film, mais qui est trop bien. J'ai envie de dire Tenet. Non, clairement pas. Non, mais je sais que c'est pas ça. Attendez le riff, au moins. J'ai toujours envie de dire Tenet. C'est horrible parce que j'ai l'impression de l'avoir. Top. Ouais. Une musique de Géométrie Dash. Quoi? Non, clairement pas. Ça fait un peu. Alors. Pour indice, cette musique, c'est les mêmes compositeurs que celles qui ont fait la musique de Kick-Ass juste avant. Ah ouais, bah là, bah non. Je suis baisé. Hein. Pensez un peu à l'univers jeu vidéo. Bah ouais, je vais mettre une dash. Du coup, vous l'avez pas ? Non. C'était Scott Pilgrim. Sérieux? Bah ouais. Je suis une merde. C'est la... elle vient quand? Je sais plus, je crois que c'est dans la scène finale. Bon, du coup, celle-là, bah oui, ben, elle est beaucoup trop exigeante. La haine. Ok, je peux me refaire. Stop. Oui. Les enfants loups. Ouais. C'est le tout début du film. Ouais, ouais. Oui. Celle-là, ça va se jouer à la rapidité. Attends. Top. Quoi? Il est oui. Batman, ouais. De Burton. Précisément le Batman de Burton. Plus précisément. Bon, ok, jouez le con, c'était Batman 2. Oui. Oh putain. Bon, non, vas-y, t'as le point, c'est bon. Batman Return. Non, non, moi je pensais à Batman 1, moi. Ah, ok, bah c'était Batman 2. Ok, bon, tant pis. C'est un Batman Return aujourd'hui. Bref, c'est pas grave, c'est pas ce que t'as dit avant. Toujours 3-2 du coup. Ouais, 3-2. Toujours 3-2, ouais. Là, ça se joue vraiment à la rapidité. Pour ceux qui l'ont. Stop. Non. Ouais. Non. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'allais dire Nicky Larson, mais c'est... Non. C'est les films. Austin Powers. Non. Là, je crois que je m'ambiance, hein. Ok, 3, 2, 1, let's go. Sérieux les gars? C'est quoi? Non, je sais que c'est pas vas-y, ça. Vas-y, dis, au non, pire. Je sais que c'est pas ça. Mais au pire, on n'en sait rien. Je sais que c'est pas ça, Ulysse. Mais bon, bah vas-y, tu tombes peut-être à côté d'un truc. Je te le dirai après. Après. Ok. Vous avez pas du coup? Non. Non. Vous êtes des merdes. C'était Cowboy Bebop. Putain, mais j'allais le dire en plus. Mais t'es con. Moi j'avais Whiplash éventuellement, mais c'est tout. Mais c'est beaucoup trop connu. Mais j'allais le dire comme Baby en plus, putain. Mais c'était beaucoup trop connu. T'as oublié que c'était celui-là, l'animé. Mais d'où je l'ai précisé, après c'est beaucoup trop évident. Déjà le truc il est évident, alors si en plus je fais le truc encore plus évident. C'est... Ah, c'est un animé, ouais, moi je suis pas dans le délire animé, les gars. Je suis trop con. Même si t'es pas dans le délire animé, t'as forcément déjà entendu ce morceau une fois, dans ta vie. Oui, non, mais putain, je suis trop con. J'y pensais en plus. En plus, elle est trop bien. Là, c'est la... Mais oui. Là, c'est là où je peux me refaire, c'est tout. Alors. Il t'en reste combien? Une ou deux? Une. Ouais, une. Où je peux me refaire et après, tu devras en trouver une autre pour me départager si jamais égalise. Au mieux, t'égalises, ouais, c'est ça. Ah. Au mieux, alors, celle-là, je pense sincèrement que tu l'auras pas, Hugo. Je suis désolé. Ah, oh, putain. C'est un film culte, mais je pense que ça ira à Roman. L'intense cheese gratiné chez Quick. Une abondance top. De fromage. Top, Quick. Je l'ai dit avant. Je l'ai dit avant. Ah, mais j'ai un peu de... Je vous donne un indice. Ouais. Bientôt il y avoir un remake. Top, top. C'est toi, Hugo. Quoi, Hugo? Vas-y. Dune. Putain, il l'a eu. Putain, j'allais dire. J'allais dire, enculé. C'était Dune. Regardez Dune, les gens. C'est beaucoup trop bien. Putain de merde. Tu nous départages. Ok. Sur une 3-3. Je vous en fais sur une musique. Une musique que vous pouvez tous les deux avoir, du coup. Ok, j'en ai un, ça va être de la rapidité. Ok. Alors, soyez vraiment prêts à dire top. Attends, j'ai une question. Qui a gagné la première manche? C'était moi. C'est okay. Moi qui ai gagné la première manche. Ça veut dire que si tu gagnes, après, si tu gagnes ça, tu as tout gagné. Ok. Faites-le à la rapidité, les gars. Vous êtes prêts, les gars? Stress. Ouais. Top. C'est assez romain qu'il a eu en top. Premier. Quoi? Non, je suis pas d'accord. Si, d'accord. Je suis en premier. Moi, j'ai dit top avant que je t'ai entendu dire top. Mais ça, c'est un décalage. Bah oui, donc du coup, voilà, normalement, j'ai dit en premier. Oui, bah du coup, c'est Ulysse qui arbitre, vu que lui... Oui, c'est moi. Donc c'est moi qui l'ai? C'est Roman, ouais. La Reine des Neiges. Putain. J'ai tout gagné du coup maintenant. Là, on fait votre manche, les gars, quand même. Oui, on fait notre manche, oui. Ok. Oh là là. C'est le seum. Ok, les gars. Ok. Vous écoutez? Ouais. 3, 2, 1. Ok. Top. Top. Ouais. Hugo, Halloween. Oui. Facile. Ah bah c'est de la rapidité hein. Ah tu fais que de la rapidité toi? Pas que mais ok bon. Celle-là je voulais absolument la placer mais elle est beaucoup trop pour Ulysse. Merde. Top Ulysse. Tu es courant que je savais ce que t'allais mettre avant que tu le mettes? Ouais, moi aussi je pense que ça va. Je me suis dit alors à tous les coups je vais entendre Simple Mind là, c'est bon. C'était Breakfast Club. Ah non. Ouais, Breakfast Club. Les gars. Ouais. D'accord. Ulysse. C'est Vaiana. Ouais. Être face à la perfection, c'est si rare. Tu te sens toute drôle, toute bizarre. C'est adorable. Les humains ne changent pas, ils aiment les stars. Ouvre les yeux, c'est parti. Tu peux te passer, oui, c'est bien moi. Bah oui. Un vrai demi-dieu, ses cheveux, son corps. Oui, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Comment vous le dire, c'est pour vous les hommes que j'ai créé l'univers. Je comprends ce qui se passe. Ce qui se passe. Être face à la perfection, c'est si rare. Tu te sens toute bizarre, c'est adorable. Les humains ne changent pas, ils aiment les stars. Ouvre les yeux, c'est parti. Peut-être pas, c'est bien moi, Maui. En vrai, demi-dieu, ses cheveux, ce corps. Oui, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Comment vous le dites? T'es pour les... Que j'ai créé l'univers. C'est pour elle, je l'ai fait. Les hommes, putain, c'est bordélique as fuck. Pour les hommes. Je suis trop passionné, je peux rien faire. Alors, j'en ai un qui est fourbe. Ouais, tu nous avais dit. Pour moi, le plus fourbe, ce serait de mettre la musique de Psychose et de faire « Eh ben non, c'était un réanimateur !» Réanimateur. Ok, les gars. Les gars, chute. Ouais. C'est de la rapidité. Et de la fourberie. Top. Hugo, oui. Rocky. Alors, je vais jouer au con comme Ulysse tout à l'heure avec Batman. Presque. Du coup. Persepolis. Non. Ah. Alors, je vais tenter de filer un demi-point à Hugo. Parce que c'est Rocky 3. Tu m'as fait pareil avec Batman. Ah oui, mais pour la musique, pour le coup, la... oui, mais pour le coup, j'allais t'accorder le point. Et de toute façon, t'as gagné. C'est une musique composée pour Rocky 3. Donc. Mais elle est aussi dans Persepolis. Oui. Mais c'est parce que c'est en hommage à Rocky. C'est pas faux. Et elle est aussi au début de Rocky 4, mais dans des flashbacks. Nanana. Nanana. Bon, on dit que s'il y a égalité, je file le point à Hugo. Il y a 2-1 pour Ulysse. Ok. Ah non, non, non, non. Oui, oui, 2-1, 2-1, 2-1. Oui. Les gars. Top. Top. Ulysse. Non, c'est Hugo, c'est Hugo, c'est Hugo. Star Wars. C'est Hugo le premier. Alors, lequel? Ah putain. Bah, le 3. Oui, c'est le 3. Ouais. Ok. Ah bah j'aurais donc c'était Battle of the Heroes, ouais, dans Star Wars 3. Alors, moi je vous aurais cité Retour vers le futur, juste pour les trompettes au début. Ok, celui-là je l'aime beaucoup. Ya, yeah, c'est bon, ya, yeah, yeah. Non, je peux faire une blague à Hugo. Réponds pas si tu la connais. Hugo, c'était qui le meilleur cuisinier juif? Facile. Hitler. Oui. Les gars, attention. Ouais. Top. Hugo. Non, j'allais dire Star Wars 3, mais non, non, non. Oui, non, je sais c'est quoi, je sais c'est quoi, je sais c'est quoi. Ulysse, vas-y. Non, mais je sais c'est quoi, mais j'ai pas le nom. C'est pas le géant de fer. Non. Merde. Alors, Ulysse, tant que Hugo s'est pas trompé, tu peux encore y aller. Ok. Mais si tu te retrompes, par contre, c'est fini. Enfin, c'est fini pour toi et Hugo peut encore trouver. Putain, j'ai sur le bout de la langue. Putain. Ça aurait fait vachement Star Wars quand même. J'ai sur le putain de bout de la langue. Oh. C'est pas Retour vers le futur, c'est pas Pierre des Caraïbes. Si. Non. Non. Plus tentative, Ulysse. Ouais. Hugo, t'es seul tout, vas-y. T'as une tentative et après c'est bon. Ah la vache. Donc, tu vas me le dire, je vais péter un câble. Vous donnez votre langue au chat. Bah Ulysse, Hugo, tente un truc, de toute façon c'est tout ce que tu peux faire. Non, vraiment j'ai rien qui me vient. Je suis sûr de connaître, mais j'ai rien qui me vient. Bon, je vous le dis. Ouais. Doctor Strange. jamais trouvé. J'aurais jamais trouvé. J'aurais pas eu, mais je sais c'était quoi. Merde. Oh, putain. Il est génial ce thème. Il est génialissime, ouais. Ah putain, mais oui, maintenant que tu le dis, c'est putain ouais. D'évident. Ouais, clairement. Ah, toujours de deux. Ok, les gars, là ça va être de la rapidité. Ça va tellement être de la rapidité. Top. Les gars, vous êtes prêts? Ouais. Oui. Vous avez absolument 2 secondes pour trouver, sinon vous êtes déshonoré. Vas-y. Top. C'était Hugo. Oh non! Les Simpsons, le film. Comment ce porc a pu laisser des traces là-haut? Speeder cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Speeder cochon, qui est là qui marche. Oui! Oh la vache! C'était juste pour le kiff de quel est Speeder cochon. Speeder cochon. Il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non. C'est un cochon. C'est un cochon. Prends garde. Speeder cochon. Mais là. Speeder cochon. Goal de 3. 3-2. Donc 3-2 pour Hugo. De quoi? Ouais, 3-2. 3-2, et s'il y a égalité, tu prendras le point de Rocky 3, du coup, Hugo. Je suis bien là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste 3. Venez la prochaine fois pour le podcast, on invite Jean Castex. Il va te casser la gueule. Roselyne Bachelot. Non, mais on peut pas inviter Jean Castex, il va rien dire, il a pas de culture. Il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est en fait. C'est quoi le cinéma, les enfants? Ah oui, c'est le lieu de... Il y a autre chose que les journaux dans la vie. D'ailleurs, attendez, je vais vous mettre juste l'audio de Jean Castex qui cherche ses lunettes. Alors qu'elles sont sur son nez, pour meubler un peu. Allez, alors... c'est parti pour le meublage. Les gars, vous êtes prêts? Ouais. Attends, Castex, il cherche ses lunettes. Bien, mesdames et messieurs. C'est que la vidéo est dans le. J'envoie le lien dans le chat. Ah, c'est ça, ok. Oui. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Vous êtes ready comme Jaja. Je suis ready comme ready. Ok, ouais. Attention. Les gars, chute. Top. C'était Ulysse. Le film Lego. Ouais. Bonjour chers auditeurs, c'est de Hugo du montage. Je tiens juste à souligner que je me fais voler cette manche. Voilà, parce que j'ai dit avant le top. On l'entend clairement, j'ai dit le top avant, je trouve ça désolant. Mais voilà, je perds ce point qui va peut-être me coûter la victoire finale. Vous le verrez en écoutant la suite. Voilà, bonne continuation et merci d'être resté jusque-là. Chanter cette chanson pendant des heures. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Quand on fait partie d'une équipe. Tout est super génial. J'ai 4 MST, je pense que je vais pas finir moi. Tout est super génial. Au moins, voilà, bon, je sais pas quoi dire après. C'est pas ça le titre. Oui, d'accord, c'est la grande aventure Lego si tu veux. Voilà. Mais j'ai dit la grande aventure Lego. Non, t'as dit le film Lego. Oui, j'ai dit les films Lego et après j'ai dit la grande aventure Lego. Ok. Et puis de toute façon, je m'en fous. En anglais, c'est The Lego Movie, donc faites pas chier. Oui, et voilà. Je me souviens. Quand j'étais en CM2, il y avait un gosse qui m'avait dit « Ouais, ta mère, je l'ai vu dans les toilettes, elle m'a fait un truc. » C'est quoi ce genre d'enfant? C'est quoi ce genre d'enfant? Les gars. Ouais. Les gars. Il y a 3-3. Il y a 3-3, ouais. Mais Rocky. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. J'en passe encore 2, du coup. Si je gagne ça, j'ai gagné. Avec Rocky. Ouais. Avec Rocky. Si tu gagnes ça, t'as gagné. Attention. Go. Top. J'ai pas. Vis. Le genre de fer. Non. Oh merde. Je sais pas avoir. Moi il peut plus se tromper. Top. Ulysse, ouais. Le Seigneur des Anneaux. Non. Ah, chier. C'est mort, il s'est trompé deux fois. Hugo, t'es tout seul. Vas-y. Ah, mais je vais pas trouver. Si j'avance un peu. C'est trop facile après s'il y a des dialogues. J'ai pas du tout. Bah du coup il l'a pas. De toute façon ça va exploser dans 3. Ouais mais j'ai pas vu. 2. C'est sûr j'ai pas vu. 1. Je sais pas. Le cinquième élément les gars. J'aime pas ce film. Je l'ai vu il y a... Je sais pas, il y a ultra longtemps. Trop longtemps. C'est trop bien le cinquième élément. J'aime pas du tout. Je le revois. C'est beaucoup trop bien le cinquième élément. Dans mes souvenirs, c'était cool. Après, je l'ai vu genre... J'avais 10 ans, quoi. Donc, Encore. Hein. Ouais. Ah, non. Celui-là, c'est le départage, en fait. Ouais. Si personne ne l'a, si tu personne gagnes... trouve. Ouais. Si personne ne l'a, tu gagnes. Si tu gagnes, tu gagnes. Si Ulysse gagne, Ulysse gagne. En fait, j'ai pas le droit de perdre. En gros, c'est une putain de finale de bâtard. Top. Dis-moi qu'il est facile. Je m'attends à un truc. Vu que c'est Roman, je m'attends à un truc, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Par contre, si c'est ce à quoi je pense, je trouve direct. Mets-moi le thème de Nightbridge, s'il te plaît, Ethan. Merde, Roman. Mais ce que je pense. Les gars, vous êtes prêts? Oui. Ouais. C'est le dernier, tous. Joue là. Non. Putain, que dalle. Et vous entendez ou pas? Oui. Pas trop. Enfin, moi, oui, mais je. Bah, t'en rapproches. Ça me dit un truc. Genre, je pense pas l'avoir. Parce que c'est. Si j'avance un peu. Top. C'est cool, en tout top, cas. Top. Ulysse. Spider-Man. Lequel? Spider-Man. Son deck. Lequel? Alors, ça me fait penser à du... Alors, attends. Je crois que je sais. Je te connais trop bien. C'est Spider-Man avec le destin d'un héros. Oui, The Amazing Spider-Man. Non. 22, destin d'un héros. Mec. Je m'attendais, genre, vraiment. Je savais que c'était dans un Spider-Man. Je savais pas c'était lequel. Tu m'as dit c'est lequel. Je me suis dit, ça fait pas penser à la musique de Danny Elfman. Et bah, c'est temps de Zimmer. Maintenant, je l'ai. Ok, je viens de l'avoir. C'est soit la musique du coup d'un Spider-Man du MCU, mais ça ressemble pas à la musique du MCU. C'est forcément un autre Spider-Man. Et je me suis dit, putain, mais c'est fils de Spider-Man 2. Je me sens horriblement con. Maintenant, je l'ai. J'ai exactement la scène dans la tête. Je me sens horriblement con. La scène à Times Square. C'est utilisé dans la scène à Times Square et dans la scène de la centrale électrique. Oui. Oui, t'inquiète pas. C'est pour ça que la centrale électrique, c'est là où il y avait l'araignée, là, ils faisaient le thème de Spider-Man. Putain, je sais. Bah, ils utilisent pas mal de thèmes là-dedans. Et il y a un moment aussi, un thème où, justement, t'as la musique, genre, intra-extra-dégétique qui se mélange avec Electro qui balance Spider-Man sur les pylônes, mais au rythme d'une musique. Et du coup, t'entends les trucs et les personnes les entendent parce que t'as Peter qui dit « Putain, je déteste cette musique » et... The Music Spider-Man 2 est un chef-d'œuvre. En tout cas, c'était cool. Absolue. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à aller la semaine prochaine, dans quelques semaines, écouter l'épisode prochain du podcast de la nuit. Hein. Et moi, je vous dis bah salut. Du coup, tu peux arrêter l'enregistrement. Non, attends, faut conclure. Attends, Willy, j'ai un petit truc pour toi. Quoi ? Tu sais ce que ça annonce ? Oui. Mais non, mais putain, non ! Non ! Ah, faut que je chante Anissa. Ouais. Oui. Vous êtes mis d'accord ? Prends les paroles sous les yeux, vas-y. Je savais qu'Hugo allait choisir Weshden. Bon, bah... Je vais essayer de trouver une petite instru. Putain, il y a vraiment une version karaoké. Ça, c'est ma... C'est la conséquence de ma dépression qui fait que je peux plus mater le film. C'est chier. En vrai, c'est cruel. C'est cruel. Vous êtes cruel. On fait ça. Ouais, mais ce monde est cruel, Ulysse. Ce monde est cruel. Et moi je suis bleu, blanc, rouge. Je suis Cribs et à la fois. Et finalement, Blood, c'est que ce monde est Bruel. Yes. Karaoke. On enregistre très bien dans Forêt. T'inquiète, là on est. Ça dure 3 minutes en plus. Oui. Alors comme ça, tu m'as trompé. T'as cru que ça, j'allais pas capter. T'as changé de parfum, de numéro, comme si par les keufs t'étais recherché. Apparemment tu m'aimes pas, c'est une autre que t'aimes. Tu traînes avec une Anissa, mais moi je m'appelle Weshden. Tu prends tes caleçons sales, et tu es hors de ma vue. Je suis fatigué, j'ai une voix de merde. Tu n'as pas de principe, je te jure sur ma vie. Me tromper avec ma cousine, mais t'as pas de valeur. J'ai appelé mon grand frère, et il vient tout à l'heure. Nous deux, c'est terminé, et me cherche plus, je suis pas là. J'étais déterminé, et à construire quelque chose avec toi. Nous deux, c'est terminé, et tu me cherches, mais je suis plus là. J'étais déterminé, et à construire quelque chose avec toi. Nous deux, c'est terminé, nous deux, c'est fini, nous deux, c'est terminé. Eh, nous deux, c'est fini. Nous deux, c'est terminé. Eh, nous deux, c'est fini. Je sais même pas comment elle le chante, j'ai jamais écouté ce truc en entier. C'est fini. Alors, c'est bon, tu m'as trompé. Maintenant, bah, je vais te bloquer. Tu vas reprendre mes bijoux. Cadeau, n'oublie pas de me ramener les clés. Et de toute façon, c'est comme ça. Nous deux, tu peux oublier. Je pouvais d'être ça pour toi, mais tant pis, tu m'as pas aidé. Tu prends tes caleçons sales, et tu es hors de ma vue. Tu n'as pas de principe, je te jurais sur ma vie. Me tromper avec ma cousine, mais t'as pas de valeur. J'ai appelé mon grand frère, et il vient tout à l'heure. Nous deux, c'est terminé, tu cherches mais je suis plus là, j'étais déterminé, à construire quelque chose avec toi, nous deux, c'est terminé, tu me cherches mais je suis plus là, j'étais déterminé, à construire quelque chose avec toi, nous deux, c'est terminé, nous deux, c'est fini. Ah oh, putain, ça me rend malade cette merde. Nous deux, c'est... Putain, mais j'ai une voix de métalleux et c'est ça que je me retrouve à chanter. Nous deux, c'est... Mais elle fait que répéter la même chose à la fin. C'est quoi cette merde? Ah putain. En plus, les gens vont penser que je chante mal alors que... Alors que tu chantes mal en vrai. Quoi? Alors que tu chantes mal. Non. Attends, mais je peux bien chanter aussi. C'est juste que c'est pas mais on veut pas. Alors écoute-moi ça. Tintintin. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne. Elle descend de la montagne à cheval. Hey, hey, non, c'est bon. Alors, Ulysse, sache que j'avais coupé le micro pendant que tu chantais Weshden, mais j'étais pété de rire. J'ai dit que sa dépression était la cause. ce qui fait qu'il a chanté. Mais en tout cas, il a soigné tout mal qu'il y avait en moi. J'ai tellement ri, putain de merde, c'est incroyable. Putain. Ouais. Putain, je me fais vraiment à l'oreille, c'est vraiment de la merde. Bon, allez, on va conclure. Allez, salut les gens. Et surtout, n'hésitez pas. Si vous êtes dépressif, chantez Weshden. Vous irez encore moins bien dans votre vie, mais au moins vos potes le seront pas. C'est ça. Merci du coup d'avoir suivi ce troisième épisode du podcast de la nuit. On vous remercie de l'assiduité si vous êtes encore là au bout d'autant de temps. Parce que écouter trois PGU, essayer de deviner des films, c'est chiant au bout d'un moment. Donc, merci beaucoup. Et je me fais pas respecter par la guitare de mon collègue, et c'est génial. Ouais. Bah du coup, salut les gens.